vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On goûtera un produit qui nous mettra l'eau à la bouche, peut-être, dans une grosse pédaldresse, et on apprendra comment mieux vivre avec le retour des instructions d'assemblage. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 5 juin 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on est dans les studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ça va, Tania? Ça va très bien. Oui, l'été est là, le soleil est arrivé. Finalement. Plus de pluie pour l'instant, à moins qu'on écoute en rediffusion à un moment où il y a de la pluie. Exactement. Ça pourrait arriver. Oui. On sait pas. En ce moment, vous le faites. Oui, exact. C'est le fun à savoir, hein? Tout à fait. Veux-tu savoir aussi ce qui s'en vient dans l'émission de cette semaine, Tania? Vas-y donc, voir. Oui, on va avoir plein de belles petites chroniques maison, dont une grosse pointe tendresse à la fin de l'émission. On va goûter aujourd'hui peut-être à des bonbons. Ouh, OK. Tu donnes un indice comme ça, toi, là. Peut-être, ça va vous dégager de la salive dans la bouche. Tu viens de nous dire ce qu'on allait goûter. Ouais, mais c'est comme la première fois de l'année que tu fais ça. T'as raison, c'est peut-être un petit peu trop précis, ouais. Mais il y a un petit twist de quelque chose dedans que je trouve qui est vraiment le fun puis que moi, j'avais jamais vu avant. Donc, si seulement. Ah, si seulement. Si seulement on pouvait se permettre de boire au travail. Ça serait-tu pas merveilleux, hein? On a aussi Sex Fist ne répond là qui va commencer l'émission. On a aujourd'hui les instructions d'assemblage qu'on va faire aujourd'hui avec des indices pour mieux vivre. Oui. Genre boire de l'alcool au travail. Mettons. Ta collègue s'en vient aussi, Tania Sgol Entertainer, en milieu d'émission. Qu'est-ce que tu nous prépares? Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous donner envie de partir en voyage. Oh, qui sait? Mais une nouvelle sorte de voyage, vous allez voir. Oh. J'en dis pas plus. Est-ce que tu vas partir avec ta nouvelle petite coccinelle Moana? Malheureusement, c'est impossible de le faire dans le sort de voyage que je vais vous parler. Oh, OK. Ouh, des indices encore. Donc, t'as donné un nom à ta nouvelle voiture. Oui, j'ai donné un nom à ma nouvelle voiture. Une petite Volkswagen New Beetle. Oui. 2000... C'est ça. 2000? Non, 2004? Oui. 2004. Bleu? Oui. Foncé? Tout à fait. Fait que si vous voulez venir la défoncer... Donne pas trop d'indices. Non, mais j'en ai croisé une autre qui est exactement, quasiment pareille comme la mienne ce matin sur le campus aussi. Ah. Donc, si jamais vous voulez aller défoncer celle-là en place... sur le numéro de plaque n'est pas le... C'est ça, exactement. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va avoir plein de fun, bien sûr, des surprises. Ça peut arriver, des gens qui se présentent en studio sans qu'on s'y attende. Ça arrive, c'est l'été, on s'amuse à Assemblage requis pour 3 heures ensemble. Mais si on écoute un petit peu de musique pour commencer, voici Corridor. C'est justement l'endroit où nous sommes. Si vous voulez venir nous voir, on est dans un corridor. Voici du Moyen-Âge à l'âge moyen. corridor avec du Moyen-Âge à l'âge moyen. Exact. Voilà. Wow. C'est assez difficile à dire. Oui, c'est un peu long. C'est un petit peu long. Ça arrive. Mais si on calcule les années du Moyen-Âge, c'est pas ce pire. Oh, vu de même, hein. Faut le relativiser dans la vie. Peut-être pour ça que c'est long comme titre. Peut-être. ou sinon, c'est peut-être un hommage à mes chroniques qui durent tout le temps beaucoup trop longtemps. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça ne devrait pas, on l'a, la chronique où on s'achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Petit suivi, la semaine passée, on a parlé de trucs d'IKEA, les sacs bleus d'IKEA. Oui. On se rappelle, on a parlé de quoi? C'était une compagnie de souliers qui faisait des souliers avec des sacs IKEA. Si je me sais bien. On a parlé de sacs de riches d'IKEA en cuir. Oui. Cette fois-ci, c'est un magasin IKEA qui offre des instructions pour transformer ces sacs bleus-là en petits manteaux de pluie pour les animaux de compagnie, en petites serviettes pour faire du pique-nique, en bavettes pour les enfants. C'est pas le fun, ça. Donc, IKEA, oui, offre des suggestions très, très utiles pour réutiliser les sacs Fracta. Donc, ils ont déjà fait ça dans le passé aux Émirats Arabes Unis. Et bien, maintenant, ils vont encore plus loin. C'est selon Adweek, ici, qui ils nous disent d'imprimer, en fait, des lignes. Ils ont imprimé des lignes, oui, sur l'intérieur des sacs Fracta. Donc, ça devient un sac utile encore plus. C'est des sacs qui ont été vendus tout au complet dans d'une semaine. Il va y en avoir d'autres de disponibles bientôt selon la vidéo promotionnelle. Peut-être qu'on ne verra pas ça, nous dit-on, en Amérique du Nord, mais moi j'aimerais bien qu'ils se forcent un petit peu à le faire. Donc les sacs viennent avec des lignes dedans que tu peux découper et faire le montage comme demandé dans les instructions. C'est cool. Ouais. Ensuite, on a parlé il y a quelques semaines de chandails qui étaient pré-sués, avec des taches de sueur. Il y avait des jeans pré-boîtés. Oui. Et bien maintenant, voici qu'arrive une belle petite robe d'été. Non. Hey, c'est horrible. Oh mon Dieu. À partir de jeans à l'envers. Je refuse. Donc le bas des jeans en bas vers les juste un petit peu en haut des genoux si on veut. Hein. C'est vraiment pas beau. Ouais. On peut l'acheter pour 445$ sur Shop Bop. Hein? La compagnie derrière 63,97 vend aussi des jeans en général. Donc ils prennent des jeans qu'ils ont déjà ratés. Je sais pas trop comment ils pourraient faire. Où est-ce qu'ils font des jeans juste pour ça? Je sais pas non plus. Hein? On sait pas. Des jeans normaux chez eux, ça coûte 265$. On double le prix presque pour la version robe d'été. Oh boy. Voilà, on a appris ça de la part de Fortune. Ensuite. Est-ce qu'on lâche les vêtements? Oui, on va parler de cils du futur maintenant. Hein, la pose de faux cils. Les extensions à cils sont très populaires depuis vraiment longtemps. On sait qu'il y a eu des faux cils magnétiques à travers le temps. Mais maintenant, les designers de chez F. Lashes proposent de les illuminer avec des lumières LED. D-E-L-L-E-D. Okay. Selon l'inventeur, il semblerait que le dispositif change de couleur ou s'anime selon la manière dont vous bougez votre tête. Ils vont être disponibles en rose, en rouge, en bleu clair, blanc, jaune, vert. Ils peuvent être appliqués avec une colle à cils régulière selon une publication Facebook. Vous pouvez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a une micro-batterie installée dans le dispositif qui permet aux cils d'être éclairés pendant 4 heures. Wow. Le co-créateur Tien Pham assure que les lumières n'éblouissent pas les yeux et qu'il n'y a aucun danger en cas de contact avec la sueur et qu'ils n'émettent pas de la chaleur. Comme des bonnes choses à préciser. Oui, hein? C'était dévoilé au congrès Maker Faire. Selon Mashable, ça va être disponible en précommande au mois de juillet dans une campagne Kickstarter. Ensuite, un smartphone qui fait du café, là, ça me touche un petit peu plus que les fossiles, oui. Je dois le dire. Je vais t'avouer que moi aussi. Pas pire, non, c'est le téléphone Mocase conçu spécialement pour pouvoir préparer un espresso en un rien de temps. Ça vient d'une entreprise italienne, Smart K, la contrée du café sacré. Le smartphone contient une recharge de café et de l'eau chaude, le tout sécurisé, consommable et sans aucun danger de contamination par les pièces électroniques du téléphone. Ça dit que c'est conçu pour les, entre guillemets, hommes pressés. Seulement wow. Les hommes, hein? Voilà, je pense que c'est pas mal tout le monde. J'adore qui peut utiliser ça. Ça, mais bon. Le site internet de la marque est sur mokase.it, M-O-K-A-S-E, M-O-K-A-S-E, oui.it. Génial, il y a une petite vidéo de démonstration aussi. Ensuite, le handbag detonator pour dissuader les voleurs lors de l'arracher de votre sacoche. Tu sais, les vols de sacoche dans la rue, là? Mm-hmm. Ben, ça arrive. Un moyen de dissuasion maintenant, c'est le handbag detonator, un petit appareil qui s'attache sur le côté de votre sac à main. Une fois activé, il libère un nuage accompagné d'un colorant permanent. De cette manière, quiconque attrapera votre sac sera marqué de manière permanente, ce qui facilitera grandement le travail des autorités. Le nuage, lui, va attirer l'attention et devrait pousser l'agresseur à abandonner son butin et à fuir. Le handbag Detonator est très passe-partout. On dit qu'on peut le laisser constamment fixé sur son sac. Il se déclenche via un simple message texte. Donc, si vous faites arracher votre sac à main, vous envoyez un petit message et ça s'active. On demande d'aller sur handbag Detonator, DYETonator.com pour le commander. Il n'y a pas de prix pour l'instant. C'est pas pire comme idée quand même. Pas pire. Ensuite, on reste dans les sacs avec un sac à dos connecté avec GPS et signalisation lumineuse. Ayant déjà dépassé ses objectifs de financement sur Kickstarter, le Galuchon de la startup Galang, qui est un sac à dos pour vélocipèdes urbains, vélocipèdes des gens à vélo, j'imagine, qui intègre un module de navigation GPS vibrant connecté à votre smartphone ainsi qu'un système lumineux. Une fois l'adresse de destination entrée dans l'application dédiée, le sac se met à vibrer dans la direction dans laquelle vous allez tourner. Doté de lumière LED à l'avant comme à l'arrière, le sac vous permet d'indiquer aux autres si vous allez tourner à gauche ou à droite en vélo par une simple pression sur un bouton. Il y a un accéléromètre intégré qui indique automatiquement aux automobilistes lorsque vous freinez. Imperméable et disponible dans plusieurs coloris. On demande 90€ dans le cadre de la campagne de financement Kickstarter. Cherchez le Galuchon. Voilà, le Galuchon. Le Galuchon. C'est très français, le Galuchon. Oui, on le fait. Ensuite, on passe à des gants pour traduire le langage des signes avec des mots. Oh, nice. Vraiment intéressant. La langue des signes permet à de nombreuses personnes sourdes et muettes, malentendantes ou peu importe, de communiquer, mais c'est difficile à comprendre par une personne extérieure. La technologie permet aujourd'hui de proposer des solutions de plus en plus innovantes pour les personnes en situation de handicap. C'est le cas d'une start-up de l'Université des sciences de Taïwan qui vient de mettre au point un système permettant de faciliter la discussion entre une personne utilisant la langue des signes et ceux qui ne la comprennent pas. Baptisé Yingmi, ces gants au design plutôt inspiré sont équipés d'un gyroscope, d'un accéléromètre et de différents capteurs situés dans les doigts. Ces derniers permettent de transmettre le mouvement des mains directement via Bluetooth sur une application dédiée qui se charge ensuite de le traduire en texte. Bon, ils disent la description des gants, là, si je peux vous les décrire un petit peu, là, c'est des gants noirs avec un dessous gris, il n'y a vraiment rien de très original. L'autonomie est de 8 heures environ, il devrait y avoir moyen de faire passer le message, nous dit-on. Les développeurs ont néanmoins expliqué que la complexité de la langue chinoise ne leur avait pas facilité la tâche. Certaines phrases trop élaborées sont donc encore aujourd'hui intraduisibles. À l'avenir, Yingmi Technology aimerait stocker une partie des données nécessaires au fonctionnement de l'application directement dans le nuage afin de les décharger de l'appareil, même si Tania pense que personne se sert du nuage encore. Mais je comprends pas comment tu peux te servir du nuage. iCloud, Tan. iCloud, oui, c'est nuage. Oui, mais j'essaye, tout le temps. Dropbox, c'est nuage. OK! Google Chrome, Google en général, c'est nuage. OK. Tu t'en sors sans le savoir, je pense. Peut-être. Je comprends pas comment aller chercher mes choses sur le nuage, mais bon, hein, on s'en reparlera. Je te montrerai ça. C'est ça. Une commercialisation n'est pas encore à l'ordre du jour pour ces gants de traduction de langage des signes, mais si c'était le cas, on dit qu'environ 200€, encore une fois des euros. Mais bon, quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir de voir les gens travailler là-dessus. Ensuite, Lego lance Lego Boost, des briques pour apprendre aux jeunes à coder. On avait entendu parler de ça lors du CES à Las Vegas, mais on s'en sait désormais un petit peu plus sur les Lego Boosts ou comment apprendre le code en s'amusant. Les Lego ne sont donc plus seulement des briques. La société danoise se prépare à sortir le kit Lego Boost pensé pour faire découvrir la programmation informatique aux enfants à partir de l'âge de 7 ans. Composé de 843 briques, d'un moteur et de 3 capteurs, chacun destiné à la position, la distance ou la couleur, le Creative Toolbox permet d'assembler 5 modèles différents. Il faudra ensuite télécharger une application dédiée sur iOS ou Android afin de les animer en programmant leur comportement. De quoi intéresser les parents. Comme souvent avec Lego, le prix est encore assez élevé. On dit encore une fois en euros 160 pour récupérer le kit en question. Les précommandes sont déjà disponibles et les premières toolbox devraient arriver vers la fin du mois de juillet aux États-Unis. L'Europe devrait suivre après ça. Et je pourrais ne pas lire ces phrases-là. Hein. D'habitude, mes articles sont en anglais. Puis je prends plus le temps de mieux les dire en anglais parce que je dois filtrer les informations. C'est ça. Quand c'est en français, je fais juste lire de la fin. C'est ça. C'est un peu paresseux, je vais changer ça. Justement, toujours dans les articles en français, Walmart teste une borne automatique pour retirer ses commandes 24 heures sur 24. Ah oui? Une genre de petite boutique à l'extérieur du grand magasin, hein, faire ses courses, c'est des fois assez difficile. Et là, il faut passer d'une rangée à l'autre. Il existe des solutions modernes pour se simplifier la tâche et Walmart va encore plus loin en testant des bornes de retrait automatique de commandes. À Oklahoma City, dans les Walmart Supercenter de N Council et W Britton Roads, on peut trouver ces installations imposantes. Donc, une fois la commande passée par le site ou l'application mobile, le client reçoit l'adresse de la borne. Il peut alors aller récupérer sa commande quand bon lui semble. Selon le porte-parole de Walmart, tout ou presque peut être commandé via ce billet. À noter qu'il y a un montant minimal de 30$ en place et le test va se poursuivre quelques mois durant et le succès de ces bornes conditionnera un déploiement dans d'autres Walmart. Vraiment une excellente idée. Là. C'est comme un genre de petit... tu sais, comme dans un centre d'achat, une petite boutique, je sais pas... de matelas ou d'électronique à l'extérieur. Ça ressemble un petit peu à ça. Avec le logo de Walmart, beaucoup trop de couleurs. Beaucoup trop de pancartes de fruits puis de. Bon. Mais c'est là que tu vas. C'est comme un entrepôt, si on veut. C'est vrai. Vraiment bien. 24 heures sur 24. Ensuite, tiens, quand tu veux faire une sieste, que ce soit au bureau ou chez toi, si t'as des colocs, peu importe, je sais que tu t'en vas en appartement avec une coloc. Oui. Donc peut-être vas-tu avoir besoin d'une place pour dormir sur le plancher. Ça devrait pas, en théorie. T'as ta propre chambre dans l'appartement? J'ai essayé de pas dormir sur le sofa trop souvent. C'est le fun que t'as eu à magasiner un appartement et t'as choisi un appartement qui avait une chambre juste pour toi. Ben oui, en fait, il y a deux chambres vu qu'on est deux à déménager. Fantastique. Donc, vous allez pouvoir quand même... T'as pas de chambre dans ton appartement, Mathieu? Hein? T'as pas de chambre dans ton appartement? Oui, mais je sais. Ouais, mais t'es tout seul. C'est ça. C'est ça. Donc, vous allez pouvoir vous faire une petite tente, en fait, que ce soit au travail ou n'importe où, vous avez besoin de vous reposer la tête dans le noir un petit peu. J'en prendrais une aujourd'hui. Oui, hein. C'est une petite tente, en fait, comme un genre de. Comment dire? Une petite tente qui fait genre à peu près de ta tête à à tes hanches, peut-être. Oui. Et t'as une partie pour tes jambes sur le côté. Donc, ça se pop-up en quelques secondes et ça vous donne un endroit confortable pour faire la sieste, lire, regarder la télé ou encore te cacher de ton patron lors des journées stressantes. Ensuite, on reste dans le même domaine avec un matelas portatif, mais portable sur soi-même. Un matelas d'air gonflable. Donc, dormir sur la route, oui, va être encore plus facile grâce à ce wearable air mattress. C'est donc un habit, hein, tu vas vraiment porter ça sur toi. C'est un genre un jumpsuit le bleu qui est parfait pour dormir avec de l'air qui se gonfle automatiquement. Et puis, tu te sacs à terre et tu dors. Simple de même. Ensuite, des fois, est-ce que t'as de la misère à ouvrir un pot? Ben oui, ça peut arriver. Ça m'arrive tout le temps. Avec deux mains, c'est difficile. Des fois, tu vas prendre un petit morceau de caoutchouc, quelque chose, ça va aller mieux. Mais si tu voulais continuer de texter ou de lire ton téléphone, un peu comme quand je fais une chronique. Oui, exactement. Tu vas pouvoir continuer de faire ça en ouvrant des pots en même temps, imagine. Oh, comment ça? Tu pourrais écouter une chronique, texter et ouvrir un pot avec tes deux mains. Un peu comme je fais en ce moment. Oui, t'ouvres des pots. Mais on ajoute le pot. Le pot. Donc, vous allez pouvoir ouvrir à peu près n'importe quel pot avec un effort minime avec ce one-handed jar opener. Donc, c'est une rangée de dents en acier inoxydable qui va venir s'agripper à ton couvercle pour pouvoir facilement l'ouvrir avec un simple twist de la main. Schlink! Schlink! Ça s'accroche après le couvert, c'est malade. C'est pour bien. 15$. Ça va souvent en dessous d'une armoire. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Fait que ça n'a pas besoin d'être beau. Ben non, clairement. Ça a juste besoin d'être efficace. Et voilà. Est-ce que t'as de la misère? Tiens, on parle encore de toi. Tu vas déménager en appartement avec une coloc. Tu vas devoir, j'imagine, un jour accrocher des cadres. Oui. Bon. Est-ce que t'es bonne pour installer un cadre droit, mettons? Oui. Ouais. Ouais, avec un niveau, genre. Ah, ben voilà. Tu pourrais aller plus loin encore avec le Absolute Hang Smart. Donc, c'est facile, nous dit-on. On l'attache au mur en utilisant des vis ou un adhésif. Donc, juste, tu accroches l'appareil après le mur. Et une fois que c'est fait, tu peux facilement bouger de haut en bas, de gauche à droite. Et le Hang Smart va automatiquement garder ton tableau au niveau. Vous laissant avec une seule responsabilité de choisir un bon cadre. Ça pour 24$ sur Kickstarter. Donc, tu comprends que l'affaire est assise sur le mur. Le cadre va après cette affaire-là. Et là, tu peux le tasser. Un petit peu comme tu tasserais une TV, là, mais sans pouvoir l'étirer. Là. Tu peux juste la placer au bas gauche-droite. Ouais. C'est fort quand même. C'est très fort. Absolute Hang Smart. Ensuite, celui-là. La prochaine est moins forte. Un petit peu moins fort. Pour ceux qui veulent aller au Festival Western de Saint-Tite, mais qui veulent aussi se rappeler, comme dans le bon vieux temps, des fast-foods qui étaient livrés en patins à roulettes. Mon Dieu, c'est si bien pensé d'aller au Festival Western avec ça. Mélange les deux ensemble. Impressionne la galerie avec tes bottes de cow-boy et des... Attention! Avec des roues de patins en dessous. Je souhaite qu'il n'y ait pas trop de craques dans les rues du festival. Ah, il y a quatre roues, ça va quand même mieux que juste les deux roues. Là. C'est vrai. Deux roues, tu te pètes la gueule facilement. Oui, j'en doute pas. Voilà, donc c'est un homme qui s'appelle Wayne Federson qui a une compagnie qui change des bottes de cow-boy en patins. C'est waynswesternwheels.com. Il y a aussi une page Facebook. C'est incroyable, hein? On peut vraiment se procurer ça. C'est fou. Ridicule. Ensuite, allons-y avec un cooler gonflable. OK. Tu sais, quand tu veux amener de la bière, quelque chose comme ça, dans un cooler, c'est le fun, mais un cooler, ça prend de la place. Si t'as pas un garage ou une petite remise, quelque chose comme ça, tu veux pouvoir le mettre dans une place qui est plus petite que ça. Donc, le Stash Inflatable Cooler de la compagnie West Marine qui nous offre tous les avantages d'un cooler. Donc, plein d'espace, une place pour vider l'eau, genre de petit drain, si on veut. Mm-hmm. Et des poignées sur les deux côtés, donc c'est facile à transporter à deux personnes. Et aussi, ça se dégonfle en tout petit. Ben oui, donc il y a une pompe inclue qui remplit trois chambres à air, donc d'air, bien sûr, pour la rigidité. Étant donné que les murs sont mous, mur du cooler, tu vas pouvoir mettre plus d'affaires. Faut que tu le remplisses, t'as comme pas le choix de le remplir, vu que c'est mou. Ouais, mais tu peux le remplir plus encore qu'un couloir normal parce que les murs sont pas solides. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais. Donc on peut mettre 600 quarts. C'est une mesure américaine. Quarts? Quarts? pas des quarts, là, c'est ORPS. Non, mais okay. C'est 571 litres environ. Ok. Me dit-on. C'est assez pour mettre beaucoup de bière pour vos parties. Entre 400 et 1000 $ chez West Marine. Ouh, pas donné. Ouais. US, bien sûr. Évidemment. Ensuite, un téléphone banane. Ah, un téléphone banane. Tu sais, quand on dit je peux pas, je t'entends pas, j'ai un banane dans l'oreille. Tu vas pouvoir maintenant faire le gag plusieurs fois à tout plein de personnes différentes. Oui. Différentes. Donc, le Bluetooth Banana Phone, c'est un projet Indiegogo. Il y a une petite vidéo de démonstration par le fondateur et président Brian Brunsing, si ça vous intéresse. C'est très, très, très plastique. Ils n'ont pas essayé de copier le look d'une banane du tout. Ils voulaient faire un téléphone en forme de banane et ça fait trop plastique. Ensuite de ça, tiens, si tu veux cacher des choses chez toi, tu cherches un coffre-fort, mais en même temps, tu penses qu'un coffre-fort, c'est trop évident que le voleur va arriver et va vouloir l'ouvrir parce qu'il a vu que c'est un coffre-fort. T'sais. Clairement. Remplace ta trappe d'aération par un coffre-fort. Hein? Super discret, c'est 15 pouces par 5 par 7. Un compartiment pour pouvoir mettre vos choses de valeur et personne ne va penser de regarder dans une trappe d'aération, bien sûr. C'est joli. C'est gros, c'est très gros comme trappe d'aération, mais comme c'est caché, tu ne sauras jamais. C'est vrai. Tu mets ton gun, tes colliers. Puis qu'est-ce qu'il y a? Des cartouches de fusil, je pense, dans ça là qu'on voit sur la ouais, photo. Ouais, je pense que oui. Des billets. Juste des billets comme ça, pour le fun. Wow. Ensuite. Ah oui, ça c'est vraiment cool. Tu sais, les petits livrets animés là, que tu. C'est comme tu peux faire comme les petits livres dans le coin d'une page, là, puis là tu fais trrrr, puis là, ça te fait un petit dessin animé. Bon, ben tu peux en faire un personnalisé, un flipbook de dessin animé, de bande dessinée personnalisé. Super mignon. C'est vous donner vos détails et vos et des photos. Et Ben Zurowski va s'occuper de changer ça en flipbook pour évidemment là, ça space, hein, c'est beaucoup de dessins. Donc 870 $ canadiens. Ensuite, tiens, pour ceux qui sont peut-être sourds d'une oreille ou qui veulent pouvoir entendre la rue ou les gens parler puis qui ont juste besoin d'une oreille, oui. Mais que c'est pas assez d'avoir le son seulement de la gauche, tu aimerais avoir le son de la gauche et de la droite dans une seule oreille. Tu comprends okay, ce que oui, je veux oui, dire? Oui, je comprends bon. Ce que tu veux dire. Tu sais que sur ton téléphone, tu peux changer la gauche puis la droite pour mettre tout le son d'un bar ou tout le son de l'autre bar. Il y a ce paramètre-là. Mais il y a aussi un gadget, en fait, que tu peux brancher dans ta prise d'écouteur et brancher un écouteur à une seule oreille et ça va convertir la stéréo en mono. Donc c'est quoi le nom du produit? Je vois pas le produit, c'est là. Attends un peu. Le Phonus. On dirait que je suis pas certaine. Moi non plus. Bref, ça existe si ça vous intéresse. Il y a aussi un fil rétractable et ça règle le problème pour ceux qui ont besoin de juste d'avoir un seul écouteur. Il y a un microphone aussi pour l'utiliser pour faire des appels et un bouton pour faire pause et play. Et la qualité du son est apparemment quand même bonne. Donc voilà, c'est le Phonus. Je vais me mettre ça dans le Phonus puis ça va aller mieux demain. Hein? Ensuite... Un petit barbecue, là. L'été, là, c'est toujours oui. le fun. Là. Ben oui, on adore tout le temps ça. Et aussi une raclette, c'est le fun aussi. Oui, quand même. Mash-up les deux ensemble pour faire un genre de barbecue de table de pique-nique. Ouh, ça, on aime ça. Le plaisir d'une raclette et le plaisir de barbecue mis ensemble, c'est le Berghoff Table Barbecue du designer Peter Rolks. Hein? Très, très portatif. On peut transporter ça à la plage, en pique-nique, en événement sportif, en bateau, peu importe. Le grill en tant que tel est en acier avec un dessous en genre de liège. Oui. T'as des poignées de silicone qu'on peut enlever et t'as une bandoulière pour pouvoir le transporter dehors en marchant. C'est parfait pour l'été, ça. Mais ce qu'on veut savoir, c'est combien est-ce que ça se détaille? Ah, ben, je vais te dire ça tout de suite. Sur Amazon.com, on le retrouve pour 325 $ US. Et on peut l'avoir sur eBay aussi. J'arrive pas à voir sur eBay. Il y en a pas sur eBay en non, ce moment, non. C'est ça. Malheureusement. Donc voilà. Ensuite, on parle d'une brassière maintenant. Oui. Une brassière pour vérifier si t'as le cancer du sein. J'ai entendu parler de ça. Pour vrai? Je crois que c'était à l'émission, Mathieu. Ici? Oui. Ben, je me rappelle pas d'en avoir parlé, pour vrai? Oui. Ça doit faire longtemps, mais bon. C'est un étudiant. Ben, en tout cas, moi, je me rappelle que la compagnie ici est Hygia Technologies, qui amène le EVA, qui peut détecter le cancer du sein. Selon leur site web, c'est équipé d'un sensor tactile pour surveiller vraiment, pour pouvoir comprendre la surface de tes seins. Et le projet, dans le fond, fait que quand tu développes une bosse ou quelque chose comme ça, la brassière va s'en rendre compte, tu comprends? Ils ont réussi à dépasser leur but. Donc, ça devrait être bientôt disponible sur le site de Hygia Technologies. Higia.tech. Je me rappelle vraiment pas d'en avoir parlé, mais ça se peut. Possible. Peut-être que t'écoutais une autre radio, ça. Non, je suis persuadée que c'est ici. Ah bah. Ah ouais. Ensuite, tu sais, ton chien, Bowie. On en parle souvent de Bowie. Au moins une fois par semaine qu'on parle de Bowie. Ben oui. Il trouve tout le temps que ça balle. Au moins une fois par semaine, t'es ici, genre, une fois par semaine. J'essaie de passer l'illusion qu'on est là plus souvent qu'on l'est okay, vraiment, mais ça. Oui, en effet, on en aime juste, juste un petit 5 heures par semaine. C'est ça. Bref, ton chien dit toujours, Tania, ouf ouf, ma balle n'est pas assez grosse, ouf ouf. Ah, il est gossin que sa balle. Ça arrête pas, tout le temps en train de chialer. Tout le temps en train de chialer. Donc, achète-lui une grosse, grosse balle de tennis de 9,5 pouces de circonférence. Mais tu vois, mon chien n'est pas vraiment nécessairement de la grosseur d'un labrador. Fait que ça arrête. C'est... Donc, automatiquement, ouais. La balle a l'air plus grosse que lui. Ça a de la misère à le mettre dans sa bouche. Oui, s'inspirer oui, clairement. Tu sais, mon chien, là, sa balle de tennis ou sa balle à chien ressemble à la mousse de micro qu'on a présentement. Minuscule quand même. Ça, ouais. Ça te donne une idée ouais. De la grosseur de la bouche de mon chien. Un petit peu plus petit qu'une balle de tennis, je pense. Ouais. 13,15 en dollars canadiens. Pas fou. Ensuite, des lamas pour votre mariage. Oh, que c'est romantique. Wedding Llamas, c'est Rojo et Smokey. C'est des animaux thérapeutiques qui se déguisent pour se présenter à des mariages dans l'état de Portland aux États-Unis. Et les deux s'embrassent en plus. Hein? Est-ce que c'est vrai? Oui, les deux s'embrassent. Ils peuvent embrasser le mari, la femme, les invités, peu importe, n'importe qui. Et mais les c'est lamas. De la surexploitation de lamas. Ouais, on sait pas. On sait pas. Mais le blanc est vraiment beau. Oui. Comme j'achèterais le blanc, je le mettrais dans mon salon puis je l'ai. Wow. Mais le brun. Ben voyons. La il... master race du blanc. Là, non, mais il est pas beau le brun. Là. Ben il est mal taillé, je trouve. Ouais, le blanc il est bien taillé, c'est ça la différence. Le blanc il s'est fait faire une petite coiffure avant. Le ça brun est arrivé. C'est celui qui joue la fille. C'est ça. Le brun il vient de sortir du lit. Là, ça. C'est ça, exactement. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Il y a aussi un compte Instagram Wedding Llamas. Allez voir. Ensuite, on a parlé souvent de la couleur la plus noire au monde. On a parlé oui. De crème glacée super, super noire. On a parlé de plein de choses. Qu'est-ce qu'on a... Je me rappelle pas de quoi on avait parlé d'autres de noir, mais en tout cas, il y en avait plusieurs. Oui. Maintenant, c'est simplement un petit contenant de 150 ml de la couleur noire, la plus noire mât au monde. Donc, tu préfères des petites décorations si ton mât de peinture et de décor dans ton nouvel appartement était noir et blanc ou avec un accent de noir. Ouais. Tu pourrais te faire des petits bibelots noirs complètement. C'est comme du genre de vernis, si on veut. Là. Ça serait merveilleux. Vraiment cool, vraiment cute. Donc, c'est ultra noir, c'est de la peinture acrylique. Ça ne reflète aucune lumière et ça donne en plus, il y a un petit arôme de cerise quand tu peintures. Ah! C'est le fun, hein? J'aime pas la cerise, mais oui, ah, c'est le fun. L'odeur de la cerise, même pas. Bon. Non plus. Et on termine avec des sandales faites sur le... Ben, je vais dire à la main, mais au pied, mettons, oui. Si on veut. Donc, vous allez pouvoir vivre un confort inestimable dans une sandale personnalisée sans dépenser une fortune. Hein? Donc, une application spécialisée pour le téléphone cellulaire avec 200 points de données sur chaque pied pour s'assurer que votre sandale va être faite exactement à votre mesure pour environ 100$ canadiens. Oh boy. C'est des sandales avec le truc entre le gros orteil et l'index. C'est ce qui pied. Coupe, là. Ah, j'ai ça me va pas, ça. Ça coupe. Ça, là, je suis pas capable de porter ça. Moi, là, du moment que j'ai discuté justement de ça hier avec ma mère... Drôle de sujet de conversation. En fait, c'est parce que du moment que je mets des gougounes, on dirait que mon cerveau devient un peu attardé. OK. On dirait qu'il comprend plus qu'il faut qu'il fasse un mouvement normal du pied. C'est ça. Ça se fait comme juste à plat. Ah, juste y penser, ça me fait mal au pied. J'aime pas ça. C'est comme, pour vrai, c'est l'équivalent de mettre un bâton de bois sur la langue. C'est peut-être parce que je porte souvent des souliers qui sont pas plats. Mais à chaque fois que je porte des souliers plats, on dirait que mon cerveau, il comprend pas qu'il faut qu'il fasse quand même la petite vague. Ouais, je te comprends. Fait que moi, les gougounes, là, c'est rare que j'en mets. C'est le fun parce qu'on va économiser 100$ en achetant pas oui, ces gougounes. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout pour ça, ça ne devrait pas. On se prend une petite pause. Au retour, on va faire les instructions d'assemblage. Ouh là là! Merci. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour à Assemblage Rocky pour la semaine du 5 juin 2017. Tania Bonin et Mathieu Plante avec vous pour encore 2h20 environ. Avant de continuer avec la chronique Les Instructions d'Assemblage, on écoute Hooded Fang et voici Queen Agison tout de suite. 89 FM, c'est fou.

Navagasin del Norte de Hooded Fang. Suivi de François Néa Jasmine avec Tandem. Voilà, à son âge requis. On l'a eu avec Travail ben oui. comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils font des Oh, les oiseaux viennent d'embarquer. Okay. Ah, voilà. Voilà. Une chance qu'ils sont là pour mettre dans l'ambiance, ces petits oiseaux-là. Oui. Maintenant, c'est le moment de l'émission où on apprend à mieux vivre. Tous ensemble, voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Insérez tout au fond, hein, c'est ça oui, qu'il dit. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Les options d'assemblage, c'est la chronique où on se permet de lire des choses pour essayer de mieux vivre. C'est un petit guide comme ça qu'on se donne. C'est des suggestions, pas obligé de tout suivre quand même. On essaie. Pour commencer, je vais encore mettre en situation ton chien Bowie. D'accord. Bowie. Tu devrais peut-être commencer à masser ton chien Bowie. Ça a l'air un peu masser. Bizarre. Le masser. T'occuper de ton animal de compagnie pour avoir vraiment des avantages à faire ça. Comme okay, un genre de je traitement. Le flatte, tu sais, comme. C'est ça, c'est normal, il aime ça. Mais un massage, ce sera encore mieux. En fait, il y a deux avantages principaux. Le soulagement du stress, hein, c'est difficile d'être un chien. Mais oui, clairement. Quand même. Et avoir une meilleure connexion avec ton chien. Hein. Okay. Les sessions de massage vont vous relaxer les deux et ça va vous donner du temps spécial ensemble dans un environnement calme. Hein. D'autres avantages qui ont pas été étudiés par la science, on parle entre autres de soulagement des douleurs, amélioration de la circulation, la réduction de la tension dans les muscles et aussi ça peut aider pour l'arthrose. Ah, OK. Ouais. Donc, si tu décides de donner un massage à ton chien pour des raisons médicales, tu devrais vérifier avec ton vétérinaire avant, bien oui, sûr. Ben oui, Y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vous montre comment faire. Il y a des cours même pour ça. Sourire. Ça existe pour vrai, mais c'est quand même assez cher. Donc ici, le New York Times nous donne des petits conseils sans avoir à aller se présenter à un cours. Pour commencer, il faut être confortable. Il faut se mettre sur une serviette, une couverture, un tapis de yoga, des oreillers, peu importe. Une place confortable pour que votre chien puisse s'étirer. Ensuite, tu veux s'assurer que tes jambes à toi sont bien supportées. Donc, tu devrais mettre... Attends un petit peu. Tu devrais mettre ton chien sur une table ou sur une surface élevée pour pas okay. que tu sois à genoux toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? OK, ouais, je comprends. Donc, tu t'installes dans un environnement relaxant avec, bon, qu'il y aura pas trop de bruit, pas de distraction pour le membre de la famille qui court partout, pas d'enfant, tu sais. Ensuite, tu y vas très lentement et tu y vas de façon... dans le fond, tu y vas à un rythme. Tu y vas environ une fois par seconde, un pétrissage par seconde, si on veut. Ce qui est beaucoup plus lent que d'habitude quand tu flattes ton chien. Sûrement, tu vas flatter ton chien pas mal plus rapidement qu'une fois par seconde. Mm-hmm. Genre. Donc, un rythme et une pression qui sont tout le temps égales. Une pression légère, plus que si tu massais un humain pour éviter de blesser le chien ou de le rendre inconfortable. Tu devrais aussi apprendre les techniques de palpitation qui vont vous aider à trouver... de palpation, par contre. Pardon? De palpation? De palpage? Pour détecter les bosses, les endroits sensibles que tu ne saurais pas et que tu vas pouvoir dire à ton vétérinaire de vérifier. Et tu devrais laisser le chien te mener un petit peu. Donc, écoutez le langage corporel de ton chien, son comportement. S'il se lève et qu'il s'en va, c'est que la session est terminée. S'il a l'air inconfortable, tu devrais mettre moins de pression. Donc, c'est des avantages de masser son chien, comme on l'a dit tantôt, le soulagement du stress et de la douleur. Il y a un petit guide sur ehow.com si ça vous intéresse de commencer à donner un massage à votre chien. Hmm. Ensuite, quand t'es dans un transport en commun, par exemple, des fois, ça peut être plate. Tu trouves ça ennuyant tous les jours de prendre le métro, prendre l'autobus. Tu devrais te trouver ce qu'on appelle une poche de liberté. Qu'on appelle. D'accord. Oui, donc c'est frustrant des fois. Tu peux reprendre le contrôle de ton voyage dans les transports en commun en regardant ça d'une perspective différente. Donc, t'as pas besoin de perdre ton temps. Tu devrais voir ça autrement. Mm-hmm. Si t'es pris dans une place entre la maison et le travail, comme un transport en commun, un taxi, covoiturage, peu importe, le temps est quand même à toi. Donc, ça devrait être du temps pour lire un livre, écouter une balado-diffusion ou encore mieux, traiter ça comme une poche de liberté, selon John M. Jakimowicz. Oui. Oui. Un homme respectable. Respectable, c'est un candidat c'est pas au doctorat ou en tout cas quelque chose de bien haut là. Donc son arrière-grande-tante là, disait ça, de parler de ses poches de liberté. Donc on dit que peu importe, même si t'as faim, que t'es fatigué, que t'as peur, tu devrais tout le temps dévouer au moins une heure chaque soir à une activité créative. Donc c'est ce qu'elle faisait avec sa nièce. Elle a dit que ça l'aidait à persévérer. Donc on dit de faire à peu près la même chose dans un endroit comme un transport en commun, si t'as au moins une demi-heure à perdre. Évidemment, bon, on n'a pas tout le temps une demi-heure. Des fois, ça peut être 15 minutes. Tu fais pas grand-chose là-dedans, mais quand même, c'est ton temps à toi, donc profites-en. Essaie de le rentabiliser tout le temps, de t'en servir pour relaxer. Voilà. Bonne idée. Justement, parlant d'espace personnel, on a tous une bulle autour de nous, un espace personnel, quelque chose que si quelqu'un le pénètre, tu te sens un petit peu mal à l'aise. Donc, une étude publiée dans le Journal of Cross-Cultural Psychology qui nous montre que la culture joue un rôle très important dans notre espace personnel. En utilisant un sondage basé sur un graphique, les chercheurs ont demandé à 9000 participants de 42 pays différents comment, à quelle distance les étrangers ou les connaissances ou les amis de près pouvaient être pour se sentir confortables. Les pays qui ont qui trouvent ça vraiment important, leur espace personnel, c'est la Roumanie, la Hongrie, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Ouganda. Les participants de ces cinq endroits-là préféraient, si tu te mettais à plus de 120 cm de moi, dans le fond, environ 4 pieds. Les participants en Argentine, au Pérou, en Bulgarie, en Ukraine et en Autriche, eux, ça leur dérangeait pas que tu sois à 90 cm ou moins de 3 pieds. Les États-Unis, ensuite, s'attendaient à ce que les gens soient environ à 95 cm de distance. Cela étant dit, il n'y a personne, en fait, qui aime quelqu'un qui est à moins de 2 pieds et demi. Voilà. Peu importe le pays. Hein? Évidemment, là, encore une fois, les autobus et les transports en commun, c'est peut-être une exception à la règle. Oui, c'est sûr que, bon, hein, c'est assez difficile de pouvoir laisser de l'espace à la personne quand vous partagez le même poteau dans un métro. Au moins, arrêtez de parler fort et de sentir mauvais. Hein, c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est ça. En Arabie Saoudite, on dit que même les gens qui sont très proches essaient de garder une bonne distance quand même. On suggère que le climat a quelque chose à voir avec ces différences-là. Par exemple, les participants dans des pays plus froids étaient plus qu'heureux de se rapprocher de leurs amis, peut-être pour rester au chaud. C'est intéressant. Ensuite, est-ce que c'est une mauvaise chose d'utiliser du maquillage expiré? Est-ce que tu as déjà utilisé du maquillage qui est passé date? J'imagine que ça m'est déjà arrivé sans nécessairement m'en rendre compte. Est-ce que tu vérifies la date? Pas vraiment. Pas vraiment parce que j'utilise du maquillage assez couramment. Fait que tu le passes assez vite. C'est ça. Ça arrive. Donc, mais sinon, on dirait qu'on s'en rend compte parce que la texture, elle change. C'est exactement ça. La texture, elle change un petit peu, apparemment, selon l'article, bien sûr, de lifehacker.com. Donc, utiliser des produits expirés, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais c'est pas une mauvaise chose en tant que telle. C'est pas la meilleure des choses, mais c'est pas si pire que ça. Le pire scénario, c'est que, bon, ça pourrait causer peut-être des boutons, des rougeurs, ça pourrait enfler, ça pourrait faire une infection et d'autres trucs comme ça. Des fois, la texture va changer aussi, ça fonctionnera pas aussi bien, donc tu vas finir par le jeter et t'auras jamais de boutons à cause de ça. Des choses comme la fondation, comment est-ce que t'appelles ça, le truc pour... Le fond de teint. Fond de teint. Qu'est-ce que je t'ai rendu? Oui, et le rouge à lèvres. Tu disais fondation parce qu'en anglais, c'est foundation. C'est exactement ça, et j'ai aucune idée en français, même pas un petit peu. Et le rouge à lèvres, ça peut aussi s'assécher. Le mascara peut aussi, ça fait des genres de motons. Et les crèmes peuvent perdre leur belle petite texture homogène. Les dates d'expiration peuvent souvent être difficiles à trouver sur les produits cosmétiques. Chez Wise Bread, on nous dit que si tu vois pas de date sur le contenant, il faut vérifier peut-être le symbole d'un pot avec le M, ce qui indique le nombre de mois pour lesquels le produit est encore bon. Donc, dans la photo sur l'article où c'est marqué 18M, ça veut dire 18 mois sur un petit pot. Oui, c'est ça. Oui, ça, je le savais, je l'ai appris, ça fait pas extrêmement longtemps. Comment tu fais pour le savoir? C'est même pas écrit. Je veux dire, tu l'apprends par quelqu'un d'autre, faire un article sur un site web, dans un magazine, c'est quoi? C'est souvent la cosméticienne à la pharmacie qui va pour te dire. 18M, j'aurais jamais deviné. Non, je sais, parce que souvent on pense, parce qu'en plus, c'est vraiment. T'as le logo d'un petit pot, puis là, c'est marqué 18M. C'est tu penses que c'est soit des millilitres ou autre chose. Absolument. Donc, si t'es pas certain, comme on l'a dit, la couleur, la consistance du produit, si vous êtes pas certain, utilisez-le pas. Des fois, ça va aussi sentir mauvais. Donc, voilà. Sinon, il y a des conseils un petit peu plus précis. Je sais pas si je les passe au complet, mais mettons le rouge à lèvres. Il y a une petite couche de cire sur le rouge à lèvres qui va rester bonne pendant un an avant de commencer à sécher. Si ça commence à sentir mauvais, là, faut le jeter. Qu'il y a des rouges à lèvres qui sentent déjà mauvais à la base. Bien sûr, bien sûr. Aussi, la cire d'un rouge à lèvres a la tendance à garder les bactéries. Donc, c'est pas une bonne idée de le partager avec quelqu'un d'autre. Un mascara peut devenir... pas un mascara, mais un rouge à lèvres peut devenir huileux aussi. Ouh, huileux. Oui. On dit que c'est bon aussi de... Bon, il y a plein d'autres détails. Allez voir sur l'article si ça vous intéresse. Là, passera pas trop de temps sur le maquillage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on s'empoisonne? Empoisonnement alimentaire. C'est pas le fun, mais il faut savoir quoi faire. Hein? Oui. Il faut commencer en restant hydraté. et faire ce qu'on peut pour empêcher que les bactéries se rendent à d'autres gens, à d'autres, peut-être à vos colocs, quelque chose comme ça. Les gens réalisent pas nécessairement que les empoisonnements alimentaires sont pas tous pareils. C'est des symptômes sévères qui durent des jours. Ça peut être quelque chose qu'il faudrait faire vérifier par un médecin. Ça pourrait être une infection dans le système digestif. On devrait donc demander des conseils médicaux si on est malade pendant plus qu'une journée ou deux. The Naked Scientist Podcast a récemment exploré deux types d'empoisonnement alimentaire qu'on vit des fois. Par exemple, de la nourriture qui aurait été mal serrée ou mal rangée, si on veut. Ça va passer dans votre système plus rapidement que la normale, ce qui est causé par des toxines. Okay. Causé par les bactéries. Généralement, c'est moins sérieux, mais ça veut pas dire que tu vas pas te sentir mal. Ensuite, l'infection par les bactéries, comme la salmonelle, ça peut entrer dans ton système digestif et ça va survivre dans tes intestins, où ça peut causer des dommages aux cellules là-dedans. Plusieurs des symptômes sont similaires au premier type, mais ça peut durer plus longtemps et dans certains cas, ça peut être mortel. Donc, c'est là qu'il faut demander des informations à un médecin. C'est les deux, évidemment, on ne les recommande pas et on minimise en fait les risques à la maison en s'assurant que la nourriture soit correctement utilisée. Et puis cuire la viande assez longtemps pour éviter la contamination croisée, bien évidemment. Alors, ensuite, avant de planifier un voyage ou une vacance, on devrait vérifier la météo sur une jolie petite carte pratique faite juste pour ça, en fait. C'est par la National Oceanic and Atmospheric Administration, une carte, une map interactive qui utilise 10 ans de données pour vous montrer comment la météo va être dans le futur quand vous voulez planifier un petit voyage. Oh, c'est bien ça. Oui, donc ça vient... on dit que c'est pas exactement où vous voulez travailler, mais voyager, mais dans le même coin, donc vous allez avoir une petite idée de la région et comment va être la météo. Une fois que tu as trouvé une place qui t'intéresse, tu peux vérifier les conditions plus précises en allant sur un site de météo plus normal. Donc, si par exemple tu prends un voyage au Royaume-Uni et que tu aimerais visiter d'autres pays autour, la carte montre la météo dans les pays proches du Royaume-Uni, donc pour pouvoir décider quel pays ajouter à ta liste. Les pays autour, donc tu pourrais dire la météo va être meilleure dans ce pays-là que dans l'autre pays. C'est bien parce qu'on y pense pas souvent. C'est ça, exactement. Donc, quand vous décidez de faire un petit voyage, allez sur ce site-là, le lien sur assemblagerequis.com, mais c'est noaa.gov. Et puis il y a decisiondata.org en cherchant the best time to visit anywhere. Ensuite, des médicaments, on a parlé d'empoisonnement alimentaire, de trucs qui restaient longtemps dans le corps. Certains médicaments restent aussi longtemps dans le corps et comment le savoir? Donc, on parle de médicaments et de drogues en tant que tel. Donc, c'est une vidéo de Business Insider qui nous résume un petit peu les durées approximatives de certaines drogues et médicaments, combien de temps ils vont rester dans votre système. Évidemment, ça dépend toujours de la personne, de ton âge, de ta grandeur, de ton poids, de la quantité de drogues utilisées ou de médicaments et la fréquence à laquelle tu les utilises. Ta santé aussi en tant que telle compte là-dedans et ton niveau d'hydratation. Donc, l'alcool... on dit que l'alcool va rester dans ton urine entre 3 et 5 jours, dans ton sang entre 10 et 12 heures, et dans tes cheveux jusqu'à 90 jours. Oh mon Dieu! Wow! Ouais, hein? C'est quand même pas pire, ça. C'est beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ensuite, la marijuana. Urine 7 à 30 jours, dans le sang environ 2 semaines, dans les cheveux jusqu'à 90 jours. Les amphétamines dans l'urine 1 à 3 jours, le sang environ 12 heures et les cheveux jusqu'à 90 jours. Les méthamphétamines entre 3 et 6 pour l'urine, 24 à 36 heures pour le sang et jusqu'à 90 jours pour les cheveux. La cocaïne 3 à 4 jours pour l'urine, 1 à 2 journées pour le sang, les cheveux jusqu'à 90 jours. Il y a aussi l'héroïne, le LSD et le MDMA qui sont sur le site, ça vous intéresse. Il y a des endroits où tu peux travailler qui vont faire des tests pour le THC, qui est l'ingrédient actif dans la marijuana, les opiacés, la cocaïne, les amphétamines et d'autres. Donc, il y a des tests où, entre autres, il faut faire pipi dans un petit contenant. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir ça, évidemment. Voilà. Si t'as jamais fait de weed avant, tu pourrais être capable de passer le test d'urine en dedans de quelques jours. Les gens qui fument beaucoup, par contre, pourraient avoir à attendre jusqu'à 10 jours avant que ça sorte de leur système. Donc, la meilleure chose à faire est d'arrêter si vous savez que vous allez être testé de façon périodique, nous dit-on. Ensuite, est-ce que ça t'arrive d'être passif-agressif, comme on dit? Hein? Ça dépend à quel sujet, mais oui, ça m'arrive. Dans une relation amoureuse... Ça dépend. Je sais pas comment répondre, honnêtement. Ouais, non, c'est ça. Il faudrait que je pose la question, mais je crois pas que je sois si passive-agressive en relation. Bonne chose. Ça dépend. Mm-hmm. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, moi aussi. Hein? Donc, être passif-agressif, c'est... Bon, comment est-ce qu'on décrirait ça en tant que tel? C'est de passer subtilement un message que tu penses être subtil, mais en étant un petit peu méchant? Ouais, peut-être. Genre... Ouais. Ou moi, je pensais que passif-agressif, c'était t'es pacifiste. Puis là, du moment, boum, tu deviens agressif. Non, non, non, c'est pas vraiment ça. On va chercher la définition, en fait, pour pouvoir exactement être certain de ce qu'on avance pour le reste. C'est donc un comportement qui est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment indirectement une hostilité cachée qui n'est donc pas assumée ou vécue comme rancune, frustration, haine, colère ou malaise relationnel. Mettons, là, je sais pas, tu trouves que ton ta coloc se ramasse pas. Ouais. Tu vas prendre tous ses vêtements puis tu vas les sacrer sur son lit, mettons. OK, ouais, ça, c'est du passif-agressif. Oui. Oui, non, je suis pas comme ça. T'es pas comme ça? Good. T'es pacifique, agressif. Ouais, c'est ça. Si on veut. Je suis comme, je suis plus genre, je vais rien dire jusqu'à temps que ça soit assez. Jusqu'à ce que ça déborde. Exactement. Et voilà. Donc bref, des fois dans un couple, ça peut être une mauvaise chose d'être passif-agressif. Mais j'espère. Tu veux être un bon partenaire, tu veux que les choses se passent bien. Donc voici un petit résumé des choses passives-agressives que tu devrais éviter de faire. Ce qu'on appelle en anglais le cold shoulder, donc ne pas parler en tant que tel. Non seulement c'est la pire façon de dire à quelqu'un que t'aimes pas ce qu'ils ont fait ou que t'aimes pas ce qu'ils font ou peu importe, mais ça va faire que les gens vont penser qu'ils ont tort. Juste d'être eux-mêmes. Ensuite, les petits commentaires en dessous de la barbe. Oui. Donc, les petits commentaires sarcastiques. Je sais pas, mais genre, merci d'avoir fait le ménage. Ouais. Alors que la personne n'a pas fait le ménage. Oui. Des petits commentaires comme ça. Non? Le petit sarcasme, mais le sarcasme de trop. Voilà. Ensuite, nuire au rêve de ton partenaire. Si ton partenaire est excité par un but, on devrait pas, le mettre à terre, on devrait l'encourager là-dedans. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est vrai. Les petits compliments qui sont comme pas vraiment des compliments. Hein. Tu sais, des compliments genre, je sais pas comment, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Genre, je sais pas, y a rien qui me vient. C'est difficile, hein? Un petit... C'est difficile, ceux-là. À trouver comme exemple, c'est pas facile. Hey, c'est beau ton maquillage de Chienne à Jacques. Celle-là, genre! Ah, c'est beau ton maquillage. C'est différent ton maquillage. Ouais. C'est particulier. C'est passif-agressif, ça? Je trouve pas ça agressif. Je trouve ça subtil. Et faire que ton partenaire se sente incompétent aussi, c'est probablement le pire, comme dans genre, ah, tu sais, si tu faisais plus d'argent ou tu sais, ah, si t'avais un meilleur emploi, blablabla. C'est pas une bonne chose à faire. Celui-là, hein? Ouais, c'est un type qu'on appelle d'abus émotionnel. Ouais. Soyez au courant de ce que vous dites et de ce que vous faites. C'est vrai. Ensuite, tiens, on nous suggère de prendre notre quatrième tasse de café. Hein, si vous êtes parmi les millions de gens dans le monde qui doivent avoir du café pour pouvoir passer à travers une journée, il y a une nouvelle étude, ouais, moi aussi. Une étude scientifique qui nous parle donc de caféine, de ce qu'on peut boire par jour. Ils disent que boire jusqu'à 4 tasses de café ou environ 400 mg de caféine est quand même assez sécuritaire. Donc, c'est une grosse étude menée par Esther Myers, spécialiste en recherche systématique chez International Life Sciences Institute. Myers et son équipe qui présentent ça donc à l'Experimental Biology Conference à Chicago. Ils ont regardé les différents niveaux de caféine et comment ça affectait les gens à court et à long terme en essayant le plus possible de chercher les effets secondaires négatifs dans le système cardiovasculaire, musculo-squelettique, reproductif et comportemental. Ils ont donc enquêté sur plus de 700 études sur la caféine. Ils nous ont dit que 400 mg ou 4 tasses de café, c'était correct pour les adultes moyens. Ça va pas vous rendre plus en santé, mais ça va pas faire de dommages non plus. Chez les femmes enceintes, par contre, on est mieux d'y aller avec 300 mg ou moins ou 3 tasses de café. La limite de 400 grammes n'est pas nécessairement nouvelle. On dit que la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, ainsi que l'International Food Information Council depuis 2003, ainsi qu'une petite petit article de Health Canada, Santé Canada, nos amis, qui dit que c'est la recommandation qui est exacte. Voilà. Et si vous en buvez plus que ça dans une journée, on parle de lien avec la dépression, la dysphorie, donc c'est un manque de satisfaction envers la vie, l'anxiété, l'hypertension, du sperme avec des... Dommage à l'ADN du sperme. Ah, mon Dieu! Higher numbers of sperm with DNA damage in men. Wow! Dépassez pas la quatrième, hein? Non, c'est ça. Wow! Mathieu, faudrait que t'arrêtes. Non, je suis quand même... Moi, j'avoue que depuis que je prends du café glacé l'été, là, des fois, ça peut aller en haut de ça. C'est vrai. Bref, sinon, je sais pas. Buvez d'autres choses. Buvez de l'eau. De l'eau. Ensuite, une façon facile de savoir si une chose sur ta liste de choses à accomplir est vraiment importante. On a plein d'accès à des applications de choses à faire, des to-do lists, des agendas, peu importe. Donc, les priorités dans la vie sont... on pense qu'on est vraiment bon là-dedans. Il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. C'est le podcast de Tim Ferriss qui nous dit que lorsqu'il met quelque chose sur sa liste de choses à faire, il se pose la question suivante. Si c'était la seule chose que j'accomplissais aujourd'hui, est-ce que je serais satisfait de ma journée? Et s'il répond oui à cette question, ça devient la priorité de sa journée. C'est pas fou, ça. Mais la chose qui serait importante si tu faisais seulement ça, c'est quand même pas pire. Oui. Ensuite, Allons-y avec... on a dit tantôt que tu emménageais avec une coloc bientôt. Oui. Et t'aimerais ça qu'elle fasse ses tâches ménagères quand elle va être avec toi. Ben voyons, on dirait que tu penses qu'elle se ramasse pas. Je la connais pas. Je la connais pas. Donc, on essaie de garder l'ordre dans la maison. Les tâches devraient être, bien sûr, séparées également entre les personnes qui vivent dans un même appartement, dans une même maison. Des fois, quand tu partages tes tâches avec un coloc, un partenaire ou les deux, ou peu importe, eh ben, il y a quelqu'un qui va faire plus de choses que l'autre. Hein? Mm-hmm. On devrait regarder donc ce que, les tâches que chaque personne devrait faire et chercher si elles sont similaires en effort ou en temps. Et ça, c'est l'économiste du comportement, Dan Ariely, qui nous dit qu'il faut essayer d'être objectif et de ne pas présumer que les tâches que vous faites sont plus difficiles ou demandent plus d'efforts que l'autre. Parce que des fois, on va se dire ça, c'est beaucoup plus difficile, moi, ce que je fais, c'est de passer la balayeuse alors que l'autre personne fait juste laver la toilette. Ouais. Ah, il faut penser au fait que c'est dégueu, puis il faut attendre longtemps, puis etc., etc. Donc, il faut être d'accord là-dessus. Donc, on peut, sinon, alterner les tâches qu'on fait à chaque jour pour pas jamais faire la même chose deux fois. Sinon, le dimanche pourrait être un effort combiné et les deux vont avoir le même genre de tâches côté effort et côté durée que ça prend. Et aussi, bien sûr, montrer de la gratitude, de la reconnaissance envers l'autre personne selon cet article. Voilà. Remercier l'autre personne et pas de façon sarcastique comme on l'a dit tantôt. Non, c'est ça. C'est surtout ça. Ah, merci de faire le ménage. Et... Ouais. Ah, ouais. Une chance que tu fais genre ce que t'es supposé faire. Hein? est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas savoir comment épeler un mot? Ben oui. Est-ce que t'as un mot que t'as de la misère? Anticonstitutionnellement. Ah, OK. Quand même. J'aime ça. Attends, ça serait A-N-T-I anti-consti. Donc C-O-N-S-T-I T-U T-I-O-N Constitution N-E-L-L-E M-E-N-T. Wow, je suis pas sûr de t'avoir complètement suivi là-dessus. Ben, j'y étais par section. Ouais, c'est ça. Mais quand même, c'était pas pire, c'était pas pire. OK, merci. Je suis en train d'essayer d'activer Siri sur mon téléphone parce que j'avais désactivé. Est-ce que ça fonctionne là? Oui, OK. Siri, épelle-moi anticonstitutionnellement. Hop. Ah, ça va marcher, attends. Épelle anticonstitutionnellement. Ça, c'est du live. Comment? Ah, quand même. C'est donc bien difficile de l'avoir. C'est difficile, hein? Épeler anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. A-N-T-I-C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N-N-E-L-L-E-M-E-N-T. Boum! Bravo! Je l'ai eu. Donc, le je l'ai pas dit aussi clair que... Que Siri, mais je l'ai quand même. On a l'enregistrement, donc on va pouvoir vérifier. Mais, vous avez vu comment j'ai dû le demander. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Là. Il faut vraiment demander épeler. OK. Et puis le mot, ils n'ont pas épelle-moi ou Siri, peux-tu m'épeler. Il faut que tu dises épeler. Des fois, c'est fancy, Siri. Oui, c'est vrai. Des fois, j'ai plus de difficultés, en fait, avec certaines conjugaisons de verbes, je vais t'avouer. Mais pas par exemple, des participes passés ou quoi que ce soit. Si on y va, par exemple, au passé simple ou si on y va au passé composé. Tu vois, il y en a des fois qui s'écrivent de la même façon et il y en a d'autres qui s'écrivent avec des accents qui sont différents. Ouais. Là, à ce moment-là, tu te poses la question, attends, je suis au passé simple, je suis au passé composé, comment attends, je l'ai dit? On va essayer quelque chose. verbe animé au passé simple. Elle n'est pas sûre de comprendre. Elle n'est pas sûre de comprendre. Elle est un peu niaiseuse, cette série. Elle est difficile, hein, parce qu'elle parle, elle va trop vite quand tu appuies sur le micro. Verbe animé au passé simple. Ah, laisse-moi faire. Es-tu fatigante, Siri? Pour vrai, y a-tu quelqu'un qui s'en sort de Siri? C'est difficile. Bref, si vous vous rappelez pas comment appeler un mot, demandez-le à Siri. Voilà. Oh, c'était juste ça. C'était juste ça. Ça se fait, tu sais. Les gens qui aiment prendre une douche froide, est-ce que t'es parmi ces gens-là? Moi, j'en prends souvent des douches froides quand j'ai vraiment chaud. Hein. Quand j'ai vraiment chaud, oui. Ça arrive. Donc, apparemment, c'est une bonne chose. Ça te garde en alerte. Ça peut aider à baisser le niveau de stress. Ça peut aider à améliorer ta peau et tes cheveux. Et ça peut aussi améliorer ta circulation, nous dit-on. Donc, un très long article sur chacun de ces facteurs-là sur assemblagerequis.com. On dit quand même que c'est populaire en ce moment, les douches froides, malgré le... Malgré que c'est pas encore tout à fait l'été. Ensuite, on revient au téléphone cellulaire ou iPhone. On fait un simple truc pour recharger ton téléphone sans avoir le buzz-buzz ou le petit son quand tu branches ton téléphone. Tu sais, il y a un petit son quand tu branches ton téléphone. Mm-hmm. Moi, je l'entends jamais parce que je suis en permanence sur mute, mais quand même, une stratégie pour faire que le téléphone soit silencieux quand tu le branches, hein, et bien sûr de le mettre sur mute avec le petit bouton sur le côté, là, c'est ce que je fais, c'est ce que je suggère aux gens de le faire et non pas de le mettre en mode avion, là, parce que sinon t'es pas rejoignable. Non, c'est vrai. Je pourrais dire le nom de la personne en onde qui fait ça. Ouh. Arrête de mettre ton téléphone sur le mode avion. Ah, oh, je sais qu'il fait ça. Ah, mais il faut que je le mette en mode avion parce que blablabla, bla, bla. Hey, ah. Simon, Simon, ton bouton sur le côté. Hey. Ah, hein? T'as les fait dire. Avec respect. Avec ben respect. Oui, tout à fait. Bref, sinon, si vous voulez pas de buzz, si vous voulez pas d'effet sonore, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça se fait. Ça se fait. Avant de brancher le téléphone, tu devrais swiper sur ton téléphone pour ouvrir la caméra. Okay. Maintenant, branche ton chargeur. Ça va commencer à charger, mais ça va pas faire de son. Ensuite, tu fermes la caméra et tu fonctionnes. Ah! C'est simple, hein? Je savais pas. C'est vraiment adorable comme petit conseil. J'adore ça. Ensuite, est-ce que t'es comme moi là-dessus? Moi, en tout cas, je vais le dire, je vais l'avouer, je suis coupable d'être très, très peu fiable sur mes courriels. Ça n'est pas pour qui? Je réponds pas aux courriels. J'attends trois semaines. Ou messages? Les deux. Courriel et messages, des fois, ça va s'empiler pendant trois semaines, un mois. Je vais avoir comme 150 messages. Puis à la fin, là, je vais dire, OK, là, je vais commencer, j'arrive pour répondre. Puis là, je vais dire, OK, ça fait clairement un mois. Il n'attend pas ma réponse. Si ça avait été urgent, il m'aurait réécrit, puis j'ai fait un message. Non, je suis pas comme ça, malheureusement. Mon travail fait en sorte que je dois répondre assez c'est rapidement. Et pas moi, donc c'est ça. Ça me dérange pas. C'est la différence entre Mathieu et moi, ouais. Vous voyez. Rigriron, voyons donc. Ben oui. Voyons. Puis tu sais, quand Mathieu, il y a des demandes d'entrevues ou peu importe, ben il me les ship, ben c'est ça. Ben c'est ça. Puis de toute façon, il y a combien de radios qui cherchent des entrevues? Ils iront ailleurs. C'est une blague. Bon, voilà, ça a été dit. Je suis sûr que notre boss va aimer ça que tu dis ça. On a une entrevue la semaine prochaine avec Daze. C'est vrai. Ça s'en vient. Donc, je réponds quand même éventuellement. Donc voilà, être adulte, apparemment que c'est de répondre à ses courriels, mais avec autre chose que désolé pour la réponse tardive. Hein, oh, ça, okay. Parce que des fois, ça arrive d'un bord et de l'autre. Oui, ça arrive, ça, par contre. Une personne va dire ça, puis ça va faire comme un mouvement de va-et-vient. Je m'excuse du délai, je m'excuse du délai, je m'excuse du délai. En fait, tu fais juste t'excuser du délai à un certain moment. Le message, c'est juste ça. C'est comme genre bonjour, je m'excuse du délai, bonne journée. C'est ça, exactement. Bref, il y a une façon de faire, apparemment. OK. Donc, c'est pour commencer. Il faut que tu sois clair dans ta réponse, dans ta question, si tu veux avoir un message qui va être répondu. Mais oui. C'est de dire ton niveau d'urgence. Comme j'ai besoin d'une réponse maintenant, demain ou d'ici à une date ultérieure. On a aussi la technique que j'aime beaucoup, c'est de terminer ton courriel par pas besoin de répondre. Mm-hmm. C'est pas chaque courriel qui a besoin d'une réponse nécessairement. Donc, si tu explicites que tu n'as pas besoin de répondre, la personne va se sentir moins coupable. C'est vrai. Tu comprends? Donc, ça, c'est pour les gens qui envoient des courriels, pour les personnes qui reçoivent des courriels et qui ont de la misère à répondre. Si c'est pas clair, si une réponse est nécessaire, tu peux demander si tu veux une réponse. Donc, tu écris à la personne, est-ce que tu as besoin d'une réponse maintenant? Tu peux faire ça. Ça va être plus rapide. Aussi que tu le reçois, tu fais ça à la place d'attendre. Et puis, tu peux créer une réponse plus rapide en utilisant des systèmes d'expansion. C'est sur iPhone, sur ordinateur aussi. C'est des petits raccourcis. Tu pourrais écrire, bon, je sais pas, ton code, ce serait genre JRD. Puis là, ben, ça va extensionner pour dire « je vais répondre demain ». Ah, genre okay. À ton message. Tu sais. Donc, tu vas avoir juste trois caractères à taper, puis tu vas peut-être le faire si tu as moins d'étapes à faire, tu comprends? Ah bon. Donc, c'est une façon de le faire. Non, mais il faut que tu t'assures que l'autre personne va comprendre c'est quoi ça veut dire, JRD. Non, c'est justement, non, c'est l'application qui fait pour toi. T'écris JRD et ça va automatiquement traduire ça sur ton téléphone ou ton ordinateur en un message complet. OK. Text Expander, ça s'appelle. Il y a aussi dans les options de clavier de ton téléphone, tu peux même par défaut écrire, mettons, bon, le raccourci AJD, transforme-moi-le tout le temps en aujourd'hui. C'est bien ça. Donc voilà, c'est des petits conseils. Il y en a d'autres dans l'article, si ça vous intéresse. Maintenant, on va parler d'argent. Vous savez, c'est un sujet qu'on a de la misère à aborder à l'émission parce qu'on s'empiètre tout le temps dans nos propres problèmes d'argent. On dit que tu devrais dépenser ton argent et non pas seulement la mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est l'auteur de The One Page Financial Plan qui nous explique que le retour sur l'investissement par rapport à tes expériences peut être difficile à quantifier. Donc, tu peux calculer le niveau de satisfaction que tu vas recevoir, par exemple, si tu achètes un nouveau téléphone ou un nouveau manteau, mais l'expérience, elle, est impossible à mesurer. Donc, il dit que c'est mieux de dépenser l'argent sur une expérience qu'économiser juste pour économiser. Mm-hmm. C'est ce qu'il dit. C'est pas obligé de s'appliquer à chaque situation, bien sûr. C'est un problème avec la dépense d'argent, comme moi. Hein? Oui. Tu vas peut-être vouloir utiliser cet article-là comme justification pour dépenser de l'argent que tu n'as pas. Hein? Oui. Donc, on parle seulement de l'argent que vous pourriez investir versus l'argent pour lequel vous pourriez acheter des expériences qui vont vous donner une meilleure vie. OK. Versus acheter des cossins. On se comprend. Ensuite, qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu dépenses, mettons, tu vas dans un café, tu vas payer un café à 2,25, mais tu as donné un 3$, tu mets 50 cents de tip et tu restes 25 cents, qu'est-ce que tu fais avec? Je le garde. Tu le gardes? Est-ce que tu le mets de côté? Oui. Est-ce que tu as un petit pot? Non. Non? Je les laisse traîner dans mon portefeuille. C'est bon. Jusqu'à temps qu'il y ait d'autres petits 25 cents qui aillent le joindre. Des petits amis. Exactement. Que ça coupe, là. Puis après ça, je peux faire des 1$. Ils vont faire des petits-enfants. Oui. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces. C'est ça. Donc, que ce soit dans un pot, dans un tiroir ou dans une pile sur une table ou peu importe. De l'argent, c'est de l'argent. C'est difficile de savoir à quoi faire avec ça des fois. Donc, pour commencer, on dit qu'on peut l'amener évidemment à la banque. Hein? Y a des institutions financières qui peuvent prendre l'argent dans votre petite banque en petit cochon. Il y en a d'autres qui le font pas, dépendant de l'endroit, dépendant de la banque. Sinon, ils disent que les raisons pour lesquelles les banques, des fois, acceptent pas la monnaie comme ça, lousse, c'est que ça prend de la place, que c'est lourd à transporter, que les machines pour compter les pièces de monnaie sont chères, sont peut-être pas disponibles des fois par moment, et que c'est fatigant pour les personnes qui travaillent dans les banques, mais il y a des endroits qui acceptent ça quand même. Ils vont charger des fois un petit frais pour l'échange de monnaie. Sinon, bien sûr, il y a les machines Coinstar, que j'aime beaucoup, qui prennent un petit pourcentage de ta monnaie, mais moi ça me dérange pas, comme ça m'évite quand même le travail de les rouler moi-même. Les banques des fois vont vous donner des rouleaux de papier gratuitement si vous les demandez. Ah, bien sûr. Sinon, ils sont pas vraiment chers dans les magasins à 1$. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, on peut. Sinon, on peut l'organiser et l'utiliser comme argent. On peut faire des rouleaux et payer avec des rouleaux. On a le droit de faire ça. J'ai déjà fait plusieurs fois dans la vie. C'est pas tout le monde qui aime ça, les recevoir, les rouleaux, mais ça se fait quand même. Ensuite, quand tu montes des meubles, est-ce que t'aimes ça monter des meubles? Oui. Je déteste. Ben, ça dépend. Ça dépend. Sans une Allen key, oui. Ok, je comprends. Monter un meuble avec une Allen key, là, c'est la chose la plus pénible au monde. Je suis d'accord avec toi. Surtout quand tu perds ton Allen key. Oh mon Dieu, là oui. Donc le prochain conseil, c'est de garder ton Allen key en dessous du meuble une fois que tu l'as monté. Comme ça, quand tu déménages, tu peux facilement trouver ta clé Allen. Oh, ok, comme la tapée. Tapée en dessous avec du papier collant en dessous de ta table. Pas fou. C'est pas pire. Ou en dessous, je sais pas, en dessous de n'importe quoi, en dessous d'une tablette, peu importe. Donc, quand vous cherchez votre clé Allen, vous la trouvez pas, ben maintenant, vous allez pouvoir vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai tapé en dessous de mon meuble. » Tu sais, Ikea, là, sont bons à te fournir... Clé Allen. Ouais, une clé Allen. Puis te dire de pas prendre un tournevis parce que sinon, ça va être trop fort. Ouais, mais là... Tu vas défoncer le matériel. Ouais, j'avoue. Hey. Ouais. Hey. Ouais. S'il vous plaît. Hein? Hein? C'est ça. Ensuite, tiens, on dit que pleurer pour vos chansons préférées, vos chansons tristes préférées, c'est une bonne chose pour vous. Ah ouais? Pleurer, une bonne chose de laisser sortir les émotions. Oui, oui, oui. Selon une nouvelle étude, ça va vous donner une meilleure humeur. Il vous faut donc des chansons tristes qui vont faire sortir les larmes. C'est une étude publiée par le journal Scientific Reports qui nous suggère que se faire pleurer sur des chansons, c'est une façon utile de vous calmer et de vous sentir mieux après. Selon les chercheurs Kazuma Mori et Makoto Iwanaga, les participants ont trouvé que l'expérience de pleurer sur une chanson triste, donc c'était une combinaison de tristesse, de plaisir et de calme psychophysiologique. Oh! Donc si vous avez déjà pleuré pendant un film aussi, c'est un peu la même chose. Les émotions sont réelles, c'est difficile à gérer dans le moment. Mais après ça, tu sors de l'autre côté et tu sens comme si la pression avait quitté ton corps. L'idée donc est de trouver une chanson qui te donne toujours une petite boule dans la gorge et qui va constamment vous faire pleurer les yeux. Hein? C'est cute, hein? Après avoir une longue semaine peut-être à la place de plonger dans le vin, là. Une bonne petite chanson là, de Justin Bieber. Ben oui, rien de moins. Et des écouteurs, bien sûr, hein, pour pas déranger les autres. Ouais, c'est ça, c'est... Oubliez pas les écouteurs, pour pas déranger les autres. Et ensuite, pour terminer, la posture parfaite n'existe pas, nous dit-on. OK. Hein? On a déjà parlé plusieurs fois de réparer sa posture, essayer de faire des petits exercices d'épaule, etc., pour relaxer les muscles. On aime ça, on le fait en ce moment. On fait ça, on aime ça. Non, c'est une petite vidéo de FXNL Media du Dr. Greg Lehman, physiothérapeute du Canada, qui nous explique... que les athlètes, les meilleurs athlètes du monde ont une faiblesse dans leur posture et plusieurs experts ne l'aiment pas du tout cette faiblesse-là. En fait, on dit que un des meilleurs marathoniens du monde a ce qu'on appelle une pronation. Est-ce que tu sais ce que c'est une pronation? Est-ce que ça veut dire que tu cours avec les deux jambes vers l'extérieur? C'est le mouvement vers l'intérieur du pied alors que tu marches. Ah, mon Dieu! OK. Pronation, je vais chercher une définition plus courte, voir si c'est plus facile. Au mouvement et à la position particulière d'un membre supérieur, on dit ainsi du bras qui est en pronation lorsque la paume de la main est tournée vers le sol, le pouce vers l'intérieur. Donc, c'est la même chose pour les pieds. OK. J'imagine. Voilà. Donc, c'est ça. Eux, ils disent que c'est normal pour les marathoniens et que le corps s'adapte à ça. Bon. Donc, ça veut dire que même les gens qui sont supposés avoir une bonne posture ne l'ont pas. Donc, une posture parfaite, c'est absolument impossible, nous dit-on. On dit qu'on place trop d'importance sur la posture idéale et on a toujours l'impression d'avoir à réparer quelque chose. Des fois, peu importe la posture que tu as, ça va faire mal quand même. Donc, c'est le manque de mouvement, des fois, qui est le plus grand problème dans la vie. On dit que où la posture est importante, c'est pendant des activités qui sont lourdes, comme par exemple lever des poids, sauter, ou atterrir sur le sol quand tu sautes de très très haut. Oui. Et si ta posture fait partie de ta douleur quotidienne, donc ça, c'est là que ça va être vraiment important, bien sûr. Donc c'est pas le fait d'être assis dans une position quand t'es assis avec les épaules par en avant. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. OK. Ouais. Ce qui est la mauvaise chose, c'est quand tu fais ça pendant plusieurs heures et que tu ne t'arranges pas pour changer les choses. C'est ça que ton corps aime pas. C'est pas le fait d'une fois de temps en temps baisser tes épaules par en avant, c'est le fait que tu baisses tes épaules par en avant pendant 10 heures de suite. Oui, le problème. Exactement. Tu comprends? Donc voilà. Et même si tu te mets bien droit, d'être assis pendant 10 heures, c'est pas mieux. Tu comprends? Donc c'est pas la posture le problème, c'est le fait d'être assis pendant 10 heures. Je comprends. Ouais. Je comprends très bien. Et voilà. Donc, des fois aussi, c'est comment t'es fait, hein? Tu sais, les gens ont les reins creux puis tout oui. Ça va faire en sorte que tu as une posture qui va être différente. J'ai une scoliose, j'aurai jamais les épaules droites. C'est ça. Jamais de ma vie. Puis si j'essaie d'avoir les épaules droites... J'ai une clavicule qui a été pétée, j'aurai jamais les épaules droites. Ben c'est ça. Et si on se force pour avoir les épaules droites, ça va pas être mieux pour ton corps parce que ton corps, naturellement, il est pas droit. Donc en le mettant en droite, tu lui fais un stress de plus. Exactement. Hein? Voilà, hey, je pense qu'on a passé au travers de ces 20 petits conseils-là. Je pense aussi. Ça a quand même relativement bien été. Tout à fait. Oui. C'était beaucoup d'informations, un peu comme une soupe au poulet serait remplie de nouilles. Pareil. Donc voici Soupe par Not You. Ouh. À Assemblage Rock. Thank you. Not You avec Soup à Assemblage Rocky. Alors, autour de la pause, ça va être Tania, c'est Gunnar Tania. Caroline, enfin, de quoi est-ce qu'on parle? Oh mon Dieu, je vous amène en voyage. Ah oui, ah oui. Yeah. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki avec Mathieu Plante et Tania Bonin. Oh oui. On me dit par message que j'ai l'air excité dans la publicité des aigles, que j'ai quasiment l'air d'aimer le baseball. C'est vrai, mais c'est vrai. Hey, ouais. Je l'ai programmé pour qu'il ait l'air d'avoir d'aimer ça. Okay? C'est grâce à toi. C'est tout le temps la réalisatrice qui est... Ben oui, c'est sûr. C'est tout c'est à pas moi et ma voix, c'est non. Toi et ton talent pour me dire de parler comme ça. C'est sûr, tu comprends. Ouais. L'égalité des sexes après ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, c'est pas Mathieu vrai. Et moi, on travaille ensemble. Oui, et on n'hésite pas à dire à l'autre personne, « Hey, c'est pas bon, commence. » Dis-le à ta voix que t'as envie d'être là en ce moment. C'est ça, exactement. Dis à ta voix que t'as l'air de connaître ça, les aigles. Oui. C'est ça qu'on fait. Dans quelques instants, ce sera Tania et Gunnar Tania. On va parler de voyage, on l'a dit tantôt. Road trip! Ok, oui! On dirait que c'est comme une thématique cet été de parler de voyage avec toi. On parle pas de road trip cette semaine, mais vous allez voir, on va parler de voyage. C'est parce que d'après moi, c'est que j'ai vraiment le goût de partir en voyage, mais j'ai pas l'argent. Fait que je passe tout ça sur mes chroniques d'émission. Ouais! Ça ressemble à ça. En tout cas, si on suit, ouais, sans commentaire additionnel. On écoute Off Course. Voici Marilyn à son large. We'll be right back. Let's move on! Avec Coloris! Oui! Assemblage requis, les petits oiseaux qui ressortent maintenant. On aime ça, on aime ça. Et maintenant, c'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain me. Tania Baudin. On parle encore de voyage, mais pas de road trip. Donc, quel mode de transport est-ce qu'on va utiliser pour faire ces voyages-là? Hey, je vous parle de bateau. De bateau! Ok, oui. Parce que, Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Non, c'est pas à cause de ça, mais c'est parce qu'en fait, il y a comme une hausse du marché de croisière un peu partout dans le monde présentement. Puis, je dois vous avouer que du côté voyage, bien, c'est le fun parce que t'as pas nécessairement à te déplacer par toi-même. Puis, en même temps, tu peux voir un peu du paysage. Puis, bien évidemment, ça dépend de sur quel bateau tu te retrouves. Mmh. Mais la plupart du temps, tu vas te retrouver à pouvoir avoir certaines activités à bord ou dans l'eau qui va vous entourer. Donc, on parle entre autres de croisière active. Qu'est-ce qu'une croisière active? Mais en fait, ce sont des périples qui vont être actifs, qui vont être riches aussi en expérience. Donc, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir écouter. Vous allez aussi découvrir des lieux à travers des activités qui vont vraiment être soit très, très dynamiques ou à degré de difficulté varié. Donc, si par exemple, vous décidez de faire une croisière puis vous décidez d'aller sauter au bas d'une montagne, bien, c'est quelque chose qu'on va rentrer dans les activités d'une croisière active. Donc, le degré de difficulté va être pas mal plus élevé si vous décidez d'aller faire du cliff jumping que si vous décidez d'aller nager à côté du bateau. Ouais. Vous voyez le genre de difficulté qu'il peut y avoir. Et on peut mélanger à tout ça les randonnées pédestres, le kayak, les excursions en Zodiac et aussi le geocaching. Donc, si vous êtes du genre à vouloir faire des excursions un petit peu plus... Une course au trésor par GPS. Exactement. Vous allez bien évidemment avoir l'interaction avec la nature, mais vous allez aussi en apprendre sur où vous êtes présentement. Donc, ça peut être, par exemple, le pays dans lequel vous avez décidé de faire votre croisière. Ça peut être aussi l'eau où vous êtes présentement, l'étendue d'eau, que ce soit un fleuve ou que ce soit un océan ou peu importe. Vous allez pouvoir en apprendre davantage et, bien évidemment, vous allez pouvoir échanger avec la culture qui va être locale. Donc, c'est un marché, les croisières, qui est extrêmement en plein boom depuis certaines années, depuis les deux dernières années. Et pourquoi, de ce côté-là, ça a fait un boom? Eh bien, en fait, on dirait que c'est la démocratisation des croisières qui est résultée par plusieurs phénomènes. Il n'y a pas une seule chose qui a fait en sorte que les croisières ont décidé d'être très, très populaires ces temps-ci. Ah oui, c'est la vie de croisière de Zach et Cody sur Rack TV. Exactement, t'as-tu compris? Bien, en fait, c'est parce que c'est une révolution dans le transport maritime des passagers avec la transformation surtout des navires qui sont devenus un petit peu plus un complexe hôtelier qui est flottant, autre que ce qu'on avait il y a quelques années. Donc, les gros bateaux, ça s'en vient de plus en plus abordable, ça s'en vient de plus en plus attirant aussi pour les gens. Et c'est un petit peu une des autres raisons pour lesquelles il y a un gros, gros boom, c'est le rapport qualité-prix lorsqu'on décide de faire une croisière versus lorsqu'on décide de tout simplement se prendre un billet d'avion, décider d'arriver dans un pays qu'on connaît pas nécessairement, les endroits touristiques qu'il va y avoir par rapport à tout ça, l'hôtel, les restaurants. Tandis que quand on prend une croisière, bien souvent, tout va se passer à bord du bateau. On va se rendre par bateau, on va coucher sur le bateau, on va bien évidemment manger sur le bateau et c'est sûr qu'il y a plusieurs expériences qui peuvent être différentes. Donc, on va vous monter un beau grand bateau. Oui, c'est ça, exactement. Autrefois, si on disait qu'on allait faire un voyage en bateau, bien on disait que ça pouvait durer un mois ou beaucoup plus longtemps. Oui. 3 heures à peine. Oui, c'est ça. 3 heures à peine. ça pouvait être ça aussi. Ça peut être une très, très courte durée. On pouvait faire certaines excursions, là, quasiment, où on pouvait avoir quelques heures en mer avec un bateau de style croisière. Mais là, vraiment, aujourd'hui, la durée moyenne d'une croisière, c'est de 7 jours. Donc, ça fait baisser les tarifs de voyage, tout ça. Et les gens, bien, ils apprécient ça. Et c'est un petit peu pourquoi, justement, les croisières sont rendues leaders du monde du voyage présentement. C'est justement le rapport qualité-prix. Donc, on penche aussi en faveur du tourisme maritime. C'est parce qu'on va proposer des loisirs, des activités et des destinations qui vont être beaucoup plus inaccessibles si on décide d'y aller par voie aérienne ou par voie terrestre. Donc, ce genre de transport-là, c'est quelque chose qui est rendu en essor tout simplement pour ce qu'il offre par rapport aux autres voyages que vous décidez de faire. Si, par exemple, vous décidez de prendre l'avion, vous décidez de vous rendre en Espagne et par la suite, vous rendu là-bas, vous décidez de faire une activité qui va être nautique, mais c'est un frais de plus. Tandis que si vous êtes sur la croisière, si vous êtes déjà sur l'eau et si, si le bateau, la croisière, offre déjà des activités nautiques, bien ça rentre dans votre prix. C'est pas un budget de plus que vous allez devoir livrer pour avoir accès aux jouets nautiques qu'ils ont à bord. Ça va être vraiment quelque chose qui va être là. Donc, c'est une offre qui a explosé depuis maintenant quelques années et on parle surtout du côté européen, du côté méditerranéen aussi. Mais ici même, à Trois-Rivières, eh bien, je ne sais pas si toi, tu connais le MS Jacques-Cartier. Bien sûr! Moi, j'ai découvert récemment, c'est-à-dire cette semaine, que le MS Jacques-Cartier s'était donné un nouvel air d'aller et surtout un nouvel air de beauté. On offre des croisières dans ce style-là de 7 à 10 jours à bord du MS Jacques-Cartier. Donc, on peut coucher à bord. Quand moi, j'étais petite, là, le MS Jacques-Cartier, là, c'était une affaire de 3 heures. Ouais. Tu montais à Québec en bateau, tu revenais... Puis tu débarquais du en MS Jacques-Cartier. En bateau. Ben, peut-être pas en 3 heures, là. Mais tu sais, qui avait jamais embarqué à bord du MS Jacques-Cartier pour aller faire un petit tour de fleuve Saint-Laurent puis de revenir? Ouais. Là, on vous offre des excursions qui sont à la grande aire du Québec avec ce nouveau bateau-là. C'est sûr et certain qu'il y a des activités aussi. Et bien évidemment, ça va fonctionner en fonction... de la météo. On est au Québec, donc c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir embarquer sur un MS Jacques-Cartier en plein mois de décembre. Il y a de fortes possibilités qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Puis l'été, dans les 7 à 10 jours, c'est comme le baseball. Il va y avoir 2-3 jours de congé là-dedans. 2-3 jours de pluie. Ouais. Mais en temps normal, il y a des activités que vous pouvez faire à bord. Donc, rappelez-vous tout le temps que c'est plaisant de pouvoir faire ça. Et quand on parle du MS Jacques-Cartier, on ne parle pas d'un immense bateau de croisière où on va être, par exemple, 1600 à bord. On parle d'une capacité de passagers de 68 personnes. Donc, c'est quelque chose qui va être peut-être même un petit peu plus cosy, un petit peu plus familial aussi. Peut-être que certaines personnes vont avoir l'idée d'être un petit peu plus rapprochées. Ça fait en sorte aussi que l'équipage peut avoir beaucoup plus d'attention envers vous que si on est sur un immense bateau de croisière où là, ça devient vraiment une espèce de complexe hôtelier sur eau, ce qui devient peut-être un petit peu plus... touristique. Ouais. Tandis qu'à 68 passagers, ben, je trouve que c'est un petit peu plus personnalisé. Ça fait en sorte qu'on peut avoir des demandes qui sont peut-être un petit peu plus différentes. Un petit massage. Exactement. C'est quelque chose qui est différent. Si on parle des croisières, eh bien, moi, quand je pense croisière, automatiquement, quand j'étais plus jeune, je pensais aux fameuses croisières Disney. Ouais. Je pense que c'est les premières qui ont commencé à avoir beaucoup, beaucoup de succès de façon mondiale. Et c'est les premières aussi qui ont pas mal commencé à être médiatisé. Ouais. C'est qu'on montrait justement aux gens qu'on pouvait aller sur un bateau avec Mickey Mouse puis Minnie puis faire partie de la famille Disney. Eh bien, sachez que cette année, la Disney Cruise, donc la croisière Disney, va s'arrêter à Québec en 2018. Donc, on va avoir deux occasions plutôt qu'une. Si jamais ça vous intéresse de monter à Québec juste pour voir le bateau de croisière de Walt Disney, eh bien, c'est une chose qui va être possible. On parle du port de Québec. Donc, on a confirmé un petit peu plus tôt le mois dernier qu'il y avait un nouveau trajet qui allait être New York-Québec durant la fin du mois de septembre l'année prochaine. Donc, en 2018, au mois de septembre, vous allez pouvoir voir ce bateau-là. Et dans un premier temps, bien, les passagers vont pouvoir partir de la Grosse Pomme, c'est-à-dire de New York, bien évidemment, en direction de Québec. Et ils vont passer 2 jours à Québec pour retourner à New York. C'est un deuxième voyage en sens inverse qui va être aussi proposé. Donc, vous allez pouvoir partir de Québec, monter à New York et revenir à Québec à bord du même bateau, tout dépendant... parce que c'est deux occasions différentes, là, donc tout dépendant de celui que vous décidez de prendre. Et par la suite, eh bien, il y a des escales qui vont pouvoir se faire par rapport à tout ça. Et selon l'Office du tourisme de Québec, eh bien, le séjour de 2 jours dans la capitale représente en fait des retombées économiques 3 fois plus importantes que celles qui sont déjà engendrées la plupart du temps par des bateaux ou par le tourisme même. Donc, on voit vraiment une opportunité de pouvoir faire de grandes choses avec les ports qu'on a. Si on parle ici au port de Trois-Rivières, rappelons-nous, l'été dernier, il y a un gros, gros, gros bateau de croisière qui s'était accosté. Eh bien, ça l'a amené aussi du tourisme à Trois-Rivières. Ça l'a amené des gens qui allaient au centre-ville. Ça l'a amené des gens qui allaient voir des spectacles. C'est vraiment le genre d'expérience qu'on vous propose lorsque vous faites une croisière. C'est vraiment de pouvoir débarquer dans une ville, d'aller visiter un petit peu, mais tout en gardant que votre voyage se fait sur l'eau. C'est sûr que si vous aimez pas l'eau, vous avez le cœur sur la flotte la plupart du temps que vous embarquez sur un bateau, c'est peut-être un petit peu moins plaisant pour vous, mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui va être différent. Par la suite, je veux parler avec vous un petit peu de quelque chose que j'ai découvert récemment à cause d'une, d'une émission de télé-réalité. Okay. C'est très drôle parce que dernièrement, je me cherchais quelque chose de nouveau à écouter. Je me cherchais quelque chose de nouveau à écouter et je suis tombée, attention, sur une télé-réalité américaine. Et mais ça commence mal. Qui se passe pas aux États-Unis? Ça se passe dans la Méditerranée et ça se passe aussi dans le sud de la France, tout dépendant de quelle saison vous voulez écouter. Mais c'est une télé-réalité qui va suivre l'équipage d'un bateau de croisière, mais pas un bateau de croisière qui va être extrême. On parle vraiment de quelque chose de luxueux. On parle du fameux mode de yachting. Donc, si vous comprenez bien, c'est à bord d'un yacht. Ça va être des gens qui sont la plupart du temps très fortunés, qui vont pouvoir se permettre de faire une croisière à bord de ces bateaux-là. Et l'émission, bien évidemment, on suit l'équipage, on suit les différentes croisières sur lesquelles ils doivent travailler. On fait aussi un petit peu parfois la connaissance de certains clients qui sont un petit peu plus demandants que d'autres. Des personnages. Exactement. Et c'est sûr qu'en travaillant sur un service à la clientèle qui est très, très à proximité, comme ça, sur un yacht où on peut avoir un maximum de 10 passagers, eh bien, ça rend les choses pas mal plus personnelles. Ça rend les choses beaucoup plus malléables en termes de demandes aussi. Donc, c'est sûr que si vous aimez pas à la base les téléréalités, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez apprécier. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que ça se passait sur un bateau. Le fait aussi qu'on découvrait certains métiers qu'on n'était peut-être pas certain de connaître à bord d'un bateau. Donc, par exemple, dans l'hôtellerie, on dirait que c'est un maître d'hôtel, tandis que sur un bateau, bien, on va avoir le même style de cadre, le même style d'emploi, mais ça va vraiment être porté sur le monde marin. Donc, c'est tout à fait différent. C'est le fun aussi de voir l'équipage qui vont s'occuper de pouvoir... stationner un bateau. Ben oui. T'sais, c'est tout aussi niaiseux que de dire qu'on connaissait pas ça parce que c'est pas quelque chose qui nous ont déjà été montré à la télévision. Et c'est sûr, bon, c'est une télé-réalité, fait qu'il y a un petit peu de drama dans ça. Mais c'est le fun pour le côté du yachting qu'on connaissait pas. Yachting, you made my heart. Oui, tout à fait. Parce que ici, c'est pas quelque chose qu'on voit bien souvent au Canada. Ça se voit un petit peu plus aux États-Unis, surtout en Floride, sachez-le, parce qu'il y a des grandes marinas. Ici, du côté du Québec et du Canada, je vous dirais qu'il fait peut-être un petit peu trop froid pour qu'on puisse arriver à faire ça. Mais du côté des États-Unis, du côté de la Floride, du côté de la Californie aussi, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus populaires. Les gens, au lieu de partir 3-4 jours en voyage avec toutes les valises en avion et tout ça, eh bien, on va monter à bord d'un yacht privé. On va vraiment demander à ce qu'il y ait des activités qui vont être faites pour nous. On va avoir des... C'est sûr que ça a un prix, tout ça, mais bien évidemment, ça change un petit peu l'idée d'un voyage familial qu'on avait. Et bien évidemment, vous devez absolument aimer l'eau, comme je le disais tout à l'heure. Vous devez aussi absolument aimer la proximité que vous allez avoir avec un équipage, parce que veux, veux pas, l'équipage vit sur le bateau aussi. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de différent. Mais c'est quoi le yachting? Eh bien, comme je le disais, c'est un domaine de travail qui est tout à fait différent. On peut, ici au Québec, voir pas mal plus d'hôtesses de l'air qu'on va voir d'hôtesses de bateau. Mmh. C'est quelque chose qui vient aussi un petit peu avec où on vit. Non, mais si on dit hôtesse de la mer? Je sais pas. C'est cute. Parce qu'en anglais, c'est stewardess. Mm-hmm. Donc, un petit peu comme une commissaire de bateau à un certain point. Mais c'est un service d'équipe. C'est une société de service. C'est des équipiers aussi qui vont être à bord. Donc, c'est quelque chose qui va être extrêmement axé sur le service à la clientèle. Et bien évidemment, les gens qui vont travailler à bord d'un bateau, d'un yacht comme ça, la plupart du temps, ils vont devoir faire une saison complète. Donc, on parle aux alentours de 6 à 8 semaines où on vit absolument que sur un bateau. On n'a que quelques jours de congé pour pouvoir sortir à l'extérieur du bateau et aller un petit peu profiter de certaines villes dans lesquelles on se retrouve lorsqu'on accoste quelque part. Ou sinon, bien, c'est vraiment, on travaille extrêmement beaucoup, on fait beaucoup d'heures, on dort pas beaucoup et on est au service des gens qui sont à bord. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que nous, on connaît. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on voit ici souvent au Québec. Mais si Si c'est quelque chose qui vous intrigue, bien, ça se fait beaucoup en Europe, ça se fait aussi beaucoup en Méditerranée. Donc, il y a plusieurs recherches qui peuvent être faites et c'est toujours d'être axé sur l'optimisme qui va être affiché chez les clients et de rendre l'expérience un petit peu plus conviviale et un petit peu plus personnalisée aussi aux gens qui vont être à bord d'un bateau. Donc, c'est différent, mais je trouve ça tellement le fun. Ouais. Et une croisière, la plupart du temps, bien, vous allez pouvoir aussi tout simplement faire ce que vous voulez faire. Mmh. Tu sais, lorsqu'on décide de faire un voyage, par exemple, en groupe, mais peut-être qu'il y en a un qui veut faire une activité, ça tente peut-être pas à 2-3 personnes dans le groupe. Tandis que sur un bateau, si tu veux aller nager, tu peux aller nager. Puis si quelqu'un veut rester sur le bateau, il va rester sur le bateau. C'est différent. Et c'est une expérience qui est complètement différente de ce que l'on connaît. C'est cute. Oui, c'est le fun. Romantique un peu. J'adore ça. Ouais. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On se fait Tania is gonna entertain Tania toutes les semaines. Mm-hmm. À son âge requis. Oh, c'était un tout petit bateau sur l'eau du Pacifique, dans un pays où il fait chaud sous le ciel des tropiques. À bord, il y avait le matelot et le vieux capitaine. 5 passagers partis sur pour 3 heures à peine, pour 3 heures à peine. Soudain, le vent se lève au large, un orage imprévu. Sans le secours de l'équipage, ils étaient perdus, ils étaient perdus. Sur les bords d'une île inconnue, ils se sont retrouvés. Jack Gilligan, le capitaine, le millionnaire, son époux. La jolie star et leurs amis sur l'île de Gilligan. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort. De se changer en petite souris ou en rose alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a réserve. Elle est partout, elle a tour de roue. Elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur. Ma mère à moteur. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Moi, je suis parti sur un kick de vieilles émissions de télé des années 70. Hein, j'ai bien vu ça. Maman Bagnol, assemblage requis pour la semaine du 5 juin 2017 à l'Étania Bonin. Et Mathieu Plante. Oui. Il nous reste une heure à l'émission, c'est la troisième et dernière heure. On va faire tantôt une grosse pointe en dresse. Ok, yes, oui. Yes, j'ai parlé qu'on allait manger des bonbons. Ça sent bien. On mange des bonbons ensemble. Oui. Mais avant ça, encore une petite chanson musicale avec des notes dedans. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, dis que c'est une bonne idée. Ah ben, pas pire, hein? On s'en va entendre une pièce de Zouz. Zouz? Une nouvelle entrée du palmarès le plus récent. On l'a fait jouer il y a 2 semaines, je crois. Donc, question de se la mettre à l'oreille un petit peu plus encore. Parles-tu d'Hubert? Ben, mais ça, quand je parle d'Hubert. Oh my God. Je pense pauvre mec, j'ai vu la moitié des yeux sortir du cœur. Avant que je leur ai descendu. Avec Hubert, assemblage requis. Ah, ben oui, ben oui. Ah ouais, c'est ah excellent. Ben, hey, il reste une heure à l'émission. C'est beaucoup. D'habitude, on aurait des chroniqueurs, des surprises qui seraient venues une fois de temps en temps. Mais là, on n'en a pas. Ça veut dire qu'on a plein de temps pour faire jouer de la musique. Pour faire jouer de la musique. Ok, ben oui, tant qu'à ouais, faire. Ouais, non, tu voulais faire quoi? Oh, parfait, c'est parfait. C'est parfait. On va entendre une pièce de Goldfrapp. Oui. Voici Anymore. Ça, c'est fou. Ah, tu m'as devancé, mais ça vient. Ça vient, je suis désolé. Ouais, we'll be right back. Trap et Anymore, assemblage requis. Oh que oui, maintenant, tiens, il nous reste une heure encore. Ça veut dire qu'on a tout plein de temps pour oui, déguster ce qu'on va manger ensemble dans une grosse pointe à l'adresse. Assemblage requis pour toi. Pas ça que non. je voulais. Oh, ça, ça, c'est plate quand ça arrive. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse, c'est l'accueil dans lequel on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en pharmacie, gardé dans mon tiroir de bureau jusqu'à la prochaine chronique. Et aujourd'hui, ben, j'ai teasé, j'ai agacé le public et toi-même, Tania Baudin, en parlant de bonbons. Ben ouais. Mais je t'ai dit qu'il y avait une petite twist, le fun. Tu m'as guiché avec ça, là. Ben, c'est ça que je voulais faire pour que t'aies envie de manger un petit bonbon. Et j'ai apporté, en plus, c'est une marque classique que tout le monde aime, mais une nouvelle saveur, les nouveaux Werther's Originals. Ouh. Éclair au caramel. Oh, toi pis le caramel. J'adore hein, le caramel. Mais c'est pas juste du caramel, c'est éclair caramel. C'est vrai. Et ce sont raison. Des bonbons mous en plus. Oh mon Dieu, ok. Ça va être fantastique. Donc c'est de délicieux caramel mou avec garniture chocolatée à l'intérieur. Mm. La recette authentique de Werther's, bien sûr, par la compagnie Stork. Werther's Original, donc dans le petit village européen de Werther, il y a de cela bien longtemps, Gustave Nebel, confiseur, créait des bonbons de la qualité la plus fine. Il utilisait les meilleurs ingrédients qui soient du beurre véritable, de la crème fraîche, tout pour nous donner mal au ventre. Oui, c'est ça. Du sucre blanc, de la cassonade, une pincée de sel pour faire sortir le goût. Et beaucoup de temps pour ainsi obtenir des petits trésors de bonbons dignes d'être enveloppés dans une papillote dorée. Et comme ils étaient particulièrement délicieux, on les a appelés Werther's Original en l'honneur de ce petit village. La confection de ces caramels au goût riche et crémeux est devenue une tradition familiale transmise de génération en génération. Faites-vous plaisir en savourant les éclairs caramel mou Werther's Original à la riche garniture chocolatée. Miam. Ah, que ça a l'air bon! Les caramels mous, on connaît les caramels crémeux, on connaît les caramels durs, les bonbons au caramel et pommes, il y en a un paquet de sortes. Mais celui-là est tout nouveau, éclair caramel. Sur l'emballage, il ressemble à des petites je dirais des jelly beans. Ouais. Des petites jelly beans, des petits bio, je dirais. Et puis à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même une bonne petite crème de Nutella style. Ça a l'air délicieux. Je te passe le sac pour le micro magique. Attention, zwip. Voilà. Le micro magique est très loin aujourd'hui. Il se fait désirer. Il se fait distant. C'est ça. OK. D'accord. Vous avez bien entendu? Oui, oui, oui. Tania, ces sacs-là, là, c'est les pires à ouvrir en plus. Je sais. Il nous faudrait des ciseaux. Non, moi, ben non. Ah ouais. Pas pire, pas pire. Je l'ai eu. Elle l'a eu. Est-ce que tu vas déchirer le sac pour qu'il soit tout croche et que j'ai de la misère à le fermer? Non. Non. Oh mon Dieu! Ça sent même qu'ils sont tous emballés individuellement. Ah ouais. Oh. Ça sent, tu sais, les grosses palettes de caramel, là, quand on était jeune. Ouais. Mais mou. Oh. Est-ce que ça sent un petit peu, tu sais, les bars, là, c'est quoi? C'est écossaise, là? Tu sais, super dur, là? Oui, oui, c'est bien de ça que c'est je parle. C'est ça, Caroline, yes! C'est genre que ça sent tellement bon que je m'en prends deux. C'est ça que j'aime, ah oui! Ça sent aussi... Tu sais, tu vas au Dairy Queen, pis tu décides de te prendre un Blizzard au Score. Oui, les Scores, c'est bon, ça. Ça sent ça. Il y a un McFlurry au Scores, hein. Je sais, j'y ai goûté. Ah, j'ai pas goûté encore. C'est excellent. Ah, wow. Alors, je te le repasse au lieu d'arrêter de sniffer le paquet. Sniffer le paquet, pour une fois que c'est toi qui fais un gag de mauvais goût comme ça. Je sais. Voilà, je suis de retour. Oui, je te vois, je te vois. À mon tour. Ils sont quand même gros, hein? C'est quand même des gros bio, hein, on l'a dit tantôt, là. C'est pas des petites crottes de lapin. Hein. Non, en effet. On déballe, ça ressemble, je trouve, la à grosseur... une crotte de lapin. Ouais. Non, mais la grosseur ressemble, et l'emballage aussi, étant donné que c'est du papier ciré, ressemble énormément à de la tire Sainte-Catherine. Donc, je m'attends à ce que ça goûte un petit peu, peut-être, les tires Sainte-Catherine. Ah ouais, c'est tu penses? Bon. Ben oui, pourquoi pas. Je pense que c'est pas... un papier, pareil. Ben, la tire Sainte-Catherine, c'est pas fait avec de la mélasse. Je crois, mais regarde la texture, pour vrai, ça ressemble énormément à une tire Sainte-Catherine. Ou encore juste à un caramel mou, là. Hein? Ouais, moi, je pense que ça va plus ressembler à un caramel mou. Oh, l'odeur, c'est incroyable. C'est merveilleux. Hein? Mais on sent pas le chocolat, on sent seulement le caramel, je crois. Oui. Le chocolat est à l'intérieur, donc c'est normal. Est-ce qu'on est prêt? On est très prêt. On y va. Est-ce que tu croques ou tu... Ah, je croque. Okay. Moi, j'y vais au complet. Oh, c'est mou. Mou, c'est mou du mou. Ça pogne les gars. Mais hein. Ah, le chocolat est super présent. Le caramel aussi. C'est ma d'artiste qui va aimer ça. Ouais. Je dirais pas qu'il y en a un qui pile par-dessus l'autre. On dirait que les deux se fusionnent comme si c'était une seule affaire. C'est le match parfait. Vraiment. La texture est parfaite. J'aime pas les bonbons qui sont trop mâchouillants quand c'est supposé être mou. Ils sont frais. C'est excellent, cette chose. Vraiment très bon. J'en mangerais peut-être pas plus que 2-3. Non. Parce que c'est extrêmement sucré. C'est très sucré. Ça pointe vraiment beaucoup dans l'air. Mm-hmm. Mais le goût. Le goût est extraordinaire. Mm. C'est mon Werther's préféré à date. Et j'en ai mangé beaucoup. Je pense que là... on a un winner. We have a winner. Les Werther's Original éclair caramel mou poussent énormément en l'air, mais on a juste trois catégories. En l'air sur le côté en bas, donc en l'air pour moi. En l'air aussi pour moi. Et voilà. Magnifique. On prend une pause. Au retour des nouvelles dans une grosse pointe d'adresse. On a pris un petit peu de retard dans nos pauses publicitaires. Mais voyons de quoi vous parlez. Fait qu'on prend une pause et on revient dans deux minutes. C'est fou! 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Déjà de retour à Assemblage Rocky pour la semaine du 5 juillet 2017 avec Talia Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on a pris un petit peu de retard dans les pubs, comme j'ai dit. On se quittera pas bien souvent. Il nous reste une dernière petite fois à se quitter pour l'émission d'aujourd'hui. Il nous reste encore 45 minutes ensemble, donc c'est le moment de retourner à ce qu'on était en train de faire. C'est le segment nouvelle, une grosse pointe d'adresse. Oui, est-ce qu'on avait besoin de rejouer l'intro? Non. Est-ce que j'en avais envie? Oui! Ok, oui, et voilà. Une grosse pointe d'adresse. Donc, on parle de nouvelles de fast-food, des choses qui se sont passées dans le monde, des choses que vous pouvez soit vous procurer ici au Canada, soit pas pantoute pour la plupart, ou que vous pouvez, peut-être, vous pouvez vous en inspirer. Vous en inspirer pour vous en faire vous-même. Faire des DIY. Voilà, des DIY du mash-up. Exactement. C'est ça. On commence avec le record mondial de la pizza avec le plus de fromage dessus. On parle pas de quantité de fromage, on parle de sorte, de variété de fromage. C'est Scotty's Pizza Parlor dans Portland, en Oregon, qui a récemment qui est récemment entré dans le livre d'histoire en créant une pizza avec 101 variétés différentes de fromage. Oh mon Dieu! Oui, ça s'appelle la Santuno Formaggio. Hein? Si. Non, attends un peu. En italien, est-ce que c'est si? Si. C'est-tu si en italien? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ok. Donc, le processus utilise un mélange de 55 fromages en plus du ricotta fait maison chez Scotty et un autre mélange de 36 fromages mous. À partir de là, les artistes de la pizza vont faire un mélange de 9 fromages secs par-dessus avant de remplir la croûte de mozzarella partiellement écrémée. Les pâtes étaient vendues chacune pour seulement 2$ chaque. Wow! Mais c'est fini, malheureusement. Mais quand même, 101 fromages, 2 piastres. Quand même, hein? C'est pas cher et elle a l'air tellement savoureuse. Avec, je pense, mon préféré, du gorgonzola. Je pense que dessus... En tout cas, gorgonzola! Non, mais tu sais, les gros ronds, là. C'est ça, du gorgonzola? Oui. Je crois, c'est mes préfs. Je les adore. Et il y en a sur la pizza. Fait que... Bravo à eux, Scotty's Pizza. On aime ça. Dans l'Oregon. Ensuite, on a vu sur les réseaux sociaux récemment une photo d'un gars dans l'autobus avec un gros baril de glaçage de chez Cinnabon, la compagnie de brioche. Oui. Hein? Ben, la compagnie a répondu. Le gars était dans l'autobus avec un baril de 30 gallons de crémage Cinnabon. Craig Calhoun a posté ça sur Twitter et ça a rapidement fait fureur sur Internet. Et évidemment, quelqu'un a fini par avoir une réponse de chez Cinnabon. Donc, le baril s'en allait chez Taco Bell. C'était pour utilisation dans les desserts Cinnabon de la chaîne. Donc, Cinnabon a écrit « Il y a des gens qui rêvent de pouvoir prendre leur bain dans 4 pieds de glaçage. » C'est bien vrai. Certains gens font de ces rêves une réalité, dont ce monsieur avec son gros baril. C'est génial. Follow that boss. Hashtag follow that boss. Est-ce que tu mangerais un baril comme ça de glaçage à travers une semaine? Oh, comment? Hey, c'est bien en trop une gros. Semaine? Avec des amis? C'est ben trop gros. À cuillère. Non. Sur des pâtisseries, sur du pain. Tu vomis à un moment donné, là, tu deviens malade. Ah, peut-être, mais tu sais, tu serais malade et heureux. Ouais, mais je serais pas capable. C'est peut-être aussi bon en ressortant. Dark, Mathieu. On reste dans le... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Comment tu dis cinnamon? Ce serait peut-être aussi bon en sortant. Hey, je me suis acheté là, du Pillsbury, là, les petits... les espèces de... C'est quoi les triangles fourrés aux framboises? Là? Oui. Des chaussons aux framboises. J'ai hâte de mes fans. parlant d'en fin de semaine, peut-être que du bacon, ça va être quelque chose que vous allez avoir comme plat en fin de semaine. Donc, faites-vous donc. C'est en fait des bols de céramique qu'on peut acheter pour faire vous-même vos propres bols de bacon. Donc, tu comprends? C'est des bols de céramique pour faire des bols de bacon. Okay. Ok, je comprends. Donc, c'est des Bacon Bowl Maker. Donc, c'est un genre de produit. C'est comme comment on appelle ça, une poêle, un poêlon en céramique. Et ça vous permet de faire des petits bols de bacon que vous allez pouvoir remplir de vos œufs, peut-être, des amuse-bouches, des à-côtés, des collations, peu importe. Et c'est fait aussi pour les poivrons, les piments, si vous voulez, à la place de faire du bacon. Ah ouais? C'est anti-collant, anti-égratignure. On peut le mettre au four jusqu'à 700 degrés Fahrenheit. Ça passe au lave-vaisselle. On peut les remplir de patates pilées, de rajouter des morceaux de bacon dessus. Puis miam, miam, miam, miam, miam. Bacon Bowl Maker. Bien. C'est disponible. Ensuite de ça, on a une petite vidéo en ralenti, slow motion, d'une machine qui sépare les tomates. C'est fascinant à regarder. Qu'est-ce qu'on a regardé récemment? C'est des insectes qui défaisaient de la nourriture, je pense. Ça t'avait vraiment fasciné. Oui. Tu te rappelles avoir vu ça? Oui, je m'en souviens. C'est un peu le même principe, donc des plans ralentis d'une machine à tomates qui s'appelle la Tomra Sentinel 2. On dirait une machine de guerre. Ça utilise des sensors optiques pour détecter les tomates qui ne sont pas assez mûres. Et robotiquement parlant, on leur envoie une petite taloche pour les envoyer du côté des tomates rejetées. Et les bonnes tomates, elles, peuvent juste passer. Incroyable à regarder en gif animé autant qu'en vidéo. Et ça va vous donner l'envie de mettre un petit peu de bacon dans votre bol à bacon pour faire un petit BLT. Miam. Pourquoi pas? Ensuite, une autre vidéo, mais cette fois-ci pour vous inspirer à faire peut-être cette recette vous-même. C'est un gigantesque sandwich œuf McMuffin de chez McDonald's. Hein? C'est Healthy Junk Food qui est de retour avec une autre vidéo alimentaire culinaire. Et c'est du type Make It Bigger. Ah ouais, fais-moi-en un plus gros que ça. Donc un énorme McDonald's Egg McMuffin. Ça a l'air vraiment bon. C'est pour vrai quelque chose comme de très tentant. On parle d'un gros muffin anglais, une grosse pastille d'œuf, du fromage, du bologna. Moi, je le prends au bacon, mon McMuffin, quand même. On va se du bacon canadien là, ballonné. Là. Oui. C'est pas le gros luxe, là. Non, en effet. Hein, tant qu'à ça, prends la saucisse. Les saucisses sont bonnes en plus chez McDo, contrairement à la plupart des saucisses déjeuner. Moi, j'aime pas ça, les saucisses déjeuner. Je sais que toi, t'aimes bien ça, mais pas tant. Ça dépend lesquels. Ça dépend du restaurant. Ouais. Ouais. Mettons la cafétéria, là. Non, pas tant. Ben, ça. J'ai de la difficulté avec la saucisse en galette. Ah, pour vrai, je préfère de loin la saucisse en galette. Non, pas moi. Ouais. Ça, on dirait que non. Chez McDonald's, je vais m'abstenir de tout commentaire. Je te comprends. Ma formule gagnante chez McDonald's, quand je prends un déjeuner, ce qui est très très rare, on va se le dire, genre deux fois par année, je prends un œuf McMuffin au bacon, le vrai œuf McMuffin, avec un œuf puis du fromage puis du bacon. Et à côté, je prends le McValeur saucisse pas d'œuf. OK. C'est délicieux ensemble, ça fait vraiment un très bon combo, puis t'en as pour ta faim. C'est vrai. Ensuite, je vais te poser une question à toi. Quelqu'un dans le métro qui s'endormirait à côté de toi, mais qui serait en compagnie d'une pizza large, ou même ex-large, et que la madame, elle s'endormirait dans le métro et la pizza finissait par descendre sur le plancher, mais sur son propre papier. Est-ce que tu lui volerais deux pointes comme la personne a l'air d'avoir fait dans la photo? Non. Non, t'es pas comme ça. Je lui dis qu'elle a échappé sa pizza. Madame, votre pizza? Ouais. Là, en plus, t'es dans le métro, fait que là, t'es rendu trop loin. Je la réveille. Tu peux pas y retourner, là? Non. À moins de te payer un autre billet de métro ou peu importe. Je lui dis. Pas fort. Madame, votre pizza tombe. T'es honnête. Est-ce que je peux en avoir une pointe? S'il vous plaît, c'est la moindre des choses. S'il vous plaît. Mais est-ce que tu veux une twist de plus? La photo a été prise à 8 h du matin. Oui. Par un journaliste de la BBC, James Longman. 8 h du matin. Imaginez, je sais pas si la personne travaillait de nuit et voulait se ramener une petite pizza pour finir sa semaine, je sais pas trop quoi. Peut-être. Mais bon, la pizza au moins touche pas au plancher, fait que peut-être qu'en se réveillant, en s'en rendant compte, elle va pouvoir reglisser cette pizza dans la boîte. Mais le mal est fait, je pense. Le mal est fait. Oui, clairement. Ça dit pas quand même si... C'est même plus chaude. Non, c'est ça. Ça dit pas si quelqu'un a volé deux pointes ou si elle a mangé les deux pointes en route ou avant de quitter. Donc, il y a quand même ça. Ça le dit pas, hein? On n'a pas la réponse, malheureusement. Ensuite, on parle souvent de choses vraiment chères à s'acheter. Et souvent, il y a des petits copeaux d'or mangeable. Tu nous as déjà parlé d'or mangeable à l'émission, comme de quoi que ça existait, puis c'était pour vrai. Oui. Ben, nous voici arrivés avec maintenant la crème glacée la plus chère au monde. Bien sûr, avec des petits morceaux d'or dedans. Hein? Donc, videz votre compte en banque avec la Black Diamond. C'est c'est une collation exotique fabriquée à partir d'une combinaison de délicieux ingrédients très luxueux et en plus des petits flocons dorés. Donc ça coûte 1 200 $ canadiens. Ça dit pas la quantité, mais je vois un petit bol ici là. C'est pas un gros bol. Ce qui n'a pas l'air d'un gros bol, non. Et, si on se fait à la cuillère en tout cas. Non. Ensuite, les rêves deviennent vraiment réalité. On y va avec quelque chose de plus grand que ce petit bol de crème glacée, c'est-à-dire de la bière vendue en emballage de 1000. Oui, 1000. Après un six-pack, tu vas avoir un 1000-pack. Mais non, hey, voyons, c'est ben trop. C'est comme le... Comment tu fais pour amener ça dans ton bateau? Je sais pas. Ça vient sur une plaque. Il te le livre chez vous. Des planches de bois. Donc, ça vient de Nokia Brewery en Finlande. C'est donc un millier de contenant de 0,5 litres ou 16,9 onces liquide. C'est leur bière 5% ABV Kayseri Lager qui coûte 2 344 $ US, presque 2,50 $ par canette. Évidemment, c'est plus cher qu'un 12-pack par canette, donc je comprends pas comment c'est supposé être rentable, mais quand même. Je sais pas non plus. C'est ça. J'imagine qu'on paye pour la manutention, sûrement la livraison peut-être. Probablement. Ensuite, celui-là, Tania, va t'enlever ton appétit si t'en avais un, avec les bonbons au chocolat et au caramel tantôt. OK. Si t'étais enceinte, peut-être que t'aimais ça. Si tu me dis que t'aimes ça, je vais te dire que t'as un problème, peut-être. Non, non, non. C'est bleu. C'est du soda au jus de cornichon, Tania. Je refuse. C'est le Grandpa Joe's Candy Shop qui vend ce Pickle Juice Soda. C'est fait avec du sucre de canne, donc du vrai bon sucre, pas de sucralose là-dedans ou peu importe, dans une bouteille de 12 onces liquide qui va coûter 10 $ juste pour une seule bouteille au jus de cornichon. Tant qu'à ça, bois directement dans le pot de cornichon. Ben ouais. Mais bon, c'est au sucre, hein, donc j'imagine que le goût vient d'être un petit peu modifié quand même pas mal. Probablement. Pickle Juice Soda, c'est juste pour faire parler les gens, clairement. C'est comme un cadeau que t'amènes en gag dans un party. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'amuse aux dépens de ce soda. Ensuite, on nous dit, Tania, bulletin spécial, d'arrêter tout ce qu'on fait. OK. Et de se faire ce merveilleux grilled cheese à l'envers. Un grilled cheese à l'envers. On sait déjà que le grilled cheese, c'est une collation adorée par tout le monde et leur mère. Donc ici, on parle d'une suggestion de Pop Sugar d'ajouter encore plus de fromage par-dessus votre sandwich. Oh my God! Plus de fromage, je pense que c'est toujours une bonne idée. Je pense que oui. Hein? Donc ici, c'est qu'on prend un grilled cheese, tout ce qu'il y a de plus normal, avec ouais. du fromage de qualité entre deux tranches de pain. Ensuite, on va venir rajouter des petits copeaux de fromage sur le dessus, du fromage râpé ou encore ouais. du fromage en tranches, peu importe. On va rajouter ensuite des champignons en tranches, non. pour ceux qui aiment ça. Bon. Et tout ça va fondre dans le pain. OK. Faisant un mélange encore plus intriguant. Pour faire fondre le fromage dans le pain, on utilise un grill de comptoir. Ouais. Les petits grills à panini. Ou sinon, vous pourriez le faire quand même sur le poêle avec... C'est si plaisant à laver après. Ouais, j'avoue. Là. Donc, on commence, on va y aller étape par étape. On va se faire... on va beurrer deux tranches de pain, de la même façon qu'on ferait avec un sandwich normal. On ouais. va ajouter un petit peu de beurre et de fromage directement sur le grill. Et on va laisser ça fondre un petit peu. Okay. On parle de fromage en copeaux, là, fromage... comment t'appelles ça, là? Râpé. Hein? Mm-hmm. On dit qu'une tranche de fromage va juste coller sur le grill alors que le fromage en copeaux va vraiment mieux pogner après le sandwich après. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on va placer une tranche de ce pain beurré-là sur le fromage fondu, ce qui va permettre au fromage de fondre dans la pâte du sandwich, du pain. On va ajouter ensuite du fromage, comme on le fait dans un grilled cheese normal, sur la tranche, donc du milieu. Et ensuite, on va mettre la deuxième tranche de pain avec le côté beurré par en haut. Et okay. ensuite, on va rajouter un petit sprinkle encore plus de fromage sur le dessus. On va fermer le grill à panini, on va laisser cuire. Et le fromage, encore une fois, de ce côté-là, va entrer dans le pain. Et ça va être croustillant, la saveur un petit peu brûlée du fromage. Et l'intérieur va être tout à fait, fondant. Mm-hmm. Et ça va être absolument fantastique. C'est clair que c'est fantastique, c'est du fromage fondant. C'est beau, hein? C'est beau. C'est sûr. C'est beau. Sinon, il y a d'autres possibilités de l'ail, pepperoni, morceaux de bacon. Il y en a qui mettent des tomates. Ouais, ça doit être bon. Dans un grilled cheese. Oui. Pas sûr, pas pour moi. Bref, assez facile à faire. Si vous avez un grill à panini ou n'importe quoi d'autre comme ça, allez-y et gâtez-vous. Miam. Ensuite, Tania, je dirais que le grilled cheese, c'est une bonne nourriture à manger quand t'as bu un petit peu le soir d'avant. Ça pourrait arriver. Ouais, quand même, ouais. Ouais bon. Maintenant, tu vas pouvoir te dire que boire de la bière, c'est une meilleure façon de soulager ta douleur que de prendre des Tylenol. Est-ce que Donc, c'est... Donc, grilled cheese et bière à la place de Tylenol et de l'eau. C'est vrai? Ben oui, je t'ai dit. Comme ça avait besoin d'une autre raison de prendre une bière. Oui, c'est ça. Dit. Donc, l'étude vient du docteur Trevor Thompson, le TH à la bonne place, oui. de l'Université de Greenwich, publié dans le Journal of Pain, le journal de pain, non, le journal de la douleur, qui nous dit donc que votre niveau d'alcool dans le sang lorsqu'il est augmenté à la limite légale de 0,08% ou environ 3 ou 4 bières, ça élève ta tolérance à la douleur. Selon la méta-analyse de 18 différentes études qui regardaient donc les différents effets des dosages d'alcool sur la réponse sur la réponse à la douleur du patient. Donc, tu comprends que plus tu bois d'alcool, plus ta tolérance à la douleur est forte. Oui. Donc, basé sur la recherche, il dit, Thompson, que l'alcool est en fait un analgésique efficace, donc un antidouleur, qui va réduire la cote d'intensité de la douleur. Donc, c'est à peu près ce que l'étude dit. Ça dit que c'est en fait plus puissant que le paracétamol ou ce qu'on appelle l'acétamol. Ou sinon, dans le grand commerce, le Tylenol. Ça veut pas dire qu'on devrait se prendre un six-pack à chaque fois qu'on a mal de tête, mais ouais, non, quand même, on devrait quand même penser au côté positif de la consommation d'alcool. Mais moi, c'est le vin qui me donne mal à la tête, par contre. Ah oui? Ouais, c'est tout le temps. Ben, vin rouge, vin blanc? Vin rouge. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, parlons de végétaliens maintenant. Les végétaliens peuvent maintenant boire de la Guinness. Ah ouais? Mais seulement à partir d'un keg, donc à partir d'un fût. Okay. Hein, le gros baril. Donc, boire quand t'es vegan, c'est difficile. Il faut que tu fasses bien attention. La bière et le vin contiennent rarement, en fait, de produits animaliers. Mais par contre, c'est souvent filtré en utilisant des vessies de poisson. Oui. Je ne savais pas ça. Pour enlever le... Rien. C'est le mot que j'oublie tout le temps. L'amertume. Non, le yeast. L'amidon. C'est ça, l'amidon. Je crois que c'est amidon. Ça se peut, oui. Et d'autres solides. Donc, malheureusement, heureusement pour eux, oui, Guinness va changer cette pratique-là et les végétaliens vont maintenant pouvoir savourer une bonne pinte de stout dans leur pub préféré qui sert de la Guinness en fût. Selon Quartz, c'est seulement les produits Guinness qui sont présentement vegan-friendly, les seuls qui le sont la Guinness Draught, ce qu'on appelle la Guinness normale, la Guinness qui est faite en Australie, la blonde américaine Lager. Et on prévoit aussi veganiser les canettes et les bouteilles pour le reste de l'année en 2017. Wow! Et si vous voulez aller voir si votre bière, vin ou spiritueux préféré est vegan, allez voir le site Barnivore sur barnivore.com. Voilà. C'est cool, hein? Très cool. Ensuite, un Taco Bell. Un article de chez Taco Bell qui va quand même nous surprendre de ne pas exister déjà. On parle de la croustille de poulet trempable. Ben voyons. Tu connais déjà, c'était chez Taco Bell, je me rappelle bien qu'il y avait les Doritos au fromage, là, que tu pouvais comme. C'était comme il y avait du fromage mou dedans, puis c'était comme Doritos à l'extérieur, genre. Je n'ai jamais mangé au Taco Bell. Moi non plus, jamais, mais ça existait. Et là, on fait des croustilles de poulet, bien sûr. Ah, OK. Oui, donc c'est comme un petit peu déguisé en forme de chip, mais ça n'en est pas vraiment. Ça s'appelle les Naked Chicken Chips. Ça suit le Naked Chicken Chalupa, qui était donc un taco où la coquille du taco était remplacée par un morceau de poulet frit. Ça, c'était il y a quelques mois. La croustille est là depuis le 11 mai et ça vient avec une portion de fromage nachos pour tremper, bien sûr. Mm-hmm. Magnifique. C'est un peu le même principe que chez Burger King avec leur chicken fries, leur frites de poulet en 2005, mais c'est un autre genre, en forme de chip quand même, pas si pire. Seulement 2$ pour 6 morceaux et 4$ pour 12 en dollars américains. Il y a aussi une boîte avec les chips servis à côté, avec un burrito suprême, un crunchy taco et une boisson moyenne. C'est bien. C'est bien, pourquoi pas. Je sais pas si j'en mangerais par contre. Ah ben oui, du poulet croustillant, voyons. Avec du nachos? Ah, oh, le fromage peut-être? Je sais pas, hein? Je sais vraiment Moi, pas. J'y goûterais n'importe quand. Est-ce que tu connais le roi Philippe en Belgique? Non. Non. Ben le roi belge n'est pas très heureux de Burger King qui essaie de lui enlever son poste. Ah non! Qui mérite le plus d'être le roi de la Belgique? Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né pour le poste comme le roi? Ou est-ce que c'est la chaîne de fast-food Burger King? Donc, c'est ce qu'on demande. BK ouvre son premier restaurant en Belgique au mois de juin. Et pour faire la promotion de l'événement, ils ont lancé une campagne qui s'appelle Who's the King? Mettant en vedette donc un personnage de dessin animé, de bande dessinée, peu importe, en l'honneur du roi Philippe de Belgique, qui a pris le trône en 2013 après que son père se soit retiré. Donc, les représentants du roi disent à Reuters qu'ils ne sont pas heureux qu'ils utilisent l'image du roi dans leur campagne. Les visiteurs du site whoistheking.be se font présenter l'image du roi et un burger de Burger King et ils se font demander de voter. Deux rois, une seule couronne, qui sera le meilleur? Votez maintenant. Et si tu cliques sur King Philippe, le roi Philippe, le pop-up te demande, t'es-tu certain parce qu'il va pas te faire de frites? Ouais, c'est ça. Pas te faire de frites, non. Non, non, non, non. Il est pas là pour ça. C'est même écrit en français, c'est belge, le site. Donc, bref, le porte-parole royal Pierre-Emmanuel Dubois a dit à la BBC qu'il n'approuvait pas cette approche-là, et étant donné que c'est pour utilisation commerciale, nous n'aurions pas donné notre autorisation. Les représentants du roi, donc, qui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas contents, la compagnie va enquêter, vont peser les pour et les contre là-dessus en date de l'article qui était le 30 mai. C'était toujours actif. Je ne sais pas s'il y a un lien vers le site whoistheking.be. Mm-hmm. Oui, et ça, il n'y a pas de place pour deux kings en Belgique, ça marche toujours! Ah mon Dieu, c'est merveilleux! Donc voilà, tu vois, ils ne se laissent pas faire. C'est vrai. Il y a une controverse récemment chez Whole Foods. Est-ce que tu connais Whole Foods? C'est comme un genre de végétarien. Oui, oui, oui. Environ ouais. Une petite épicerie de luxe, un petit peu plus cher que la exactement. Normale. Donc, sur le site consumerist.com, les gens étaient outrés. Outrés que Whole Foods chargeait 1$ de plus pour une noix de coco qui venait avec une paille, comparée à une noix de coco qui venait sans paille. Et là, les gens se demandaient, mais voyons donc, une paille, ça coûte pas une pièce? C'est vrai. Donc, Chris a écrit à Consumerist pour en savoir plus. C'était dans un Whole Foods en Californie, à Oakland. Il y a une réponse à ça. C'est le fun, hein? Selon le porte-parole de Whole Foods, c'est que les noix de coco qui sont plus chères, donc à 4,99$ au lieu de 3,99$ US, c'est pas à cause de la paille, mais parce que les noix de coco ont déjà été craquées Les employés de chez Whole Foods, donc sont prêtes à boire avec la paille directement dedans. Donc tu payes 1$ pour la personne qui a craqué le truc, puis le remballage avec le plastique, puis après ça la paille, etc., etc. Alors que quand tu l'achètes à 4$, il faut que tu traînes avec toi une machette ou quelque chose comme ça, mm-hmm. pour pouvoir ouvrir ta noix de coco. C'est pas facile à ouvrir. Mais non, non, c'est pour ça, de la tête, là. Je suis d'accord. Donc voilà, c'était la réponse à cette question inutile. Ensuite, Hormel? Oui. La compagnie là, de petites gâteries pour les chiens pense que les gens vont être confus, en fait, par l'utilisation du terme Black Label sur le vrai bacon de... ouais, c'est ça, de leur compagnie. Donc présentement, t'as du bacon Black Label qui est disponible pour acheter pour les humains. Et t'as aussi les Bacon Strips Black Label qui sont fabriqués à partir de vrais porcs par la compagnie Purina. OK. Hein? Donc, Hormel fait ça pour les humains, Nestlé Purina fait ça pour les chiens, et donc, il y a une confusion, c'est une poursuite au niveau fédéral qui est entrée en vigueur récemment dans une cour du Minnesota. Hormel accuse Purina d'infraction de sa marque de commerce et de mauvaise désignation de l'utilisation du terme Black Label pour sa ligne de nourriture pour chiens. Donc, Hormel parle du lancement en janvier 2017 de la nouvelle ligne de Purina Bacon Shaped Real Meal Dog Treats, donc des friandises pour chiens en forme de bacon. Mm-hmm. On se comprend, même si en tant que tel, c'est pas en forme de bacon, j'imagine que c'est plus en forme de la partie du cochon qui a été tranchée en forme de bacon. Ouais, c'est ça, j'imagine. Je pense que naturellement, c'est peut-être pas la forme du bacon. Je pense pas que c'est créé comme ça, ce bacon. Non, je pense pas. Bref, selon la poursuite, l'utilisation de Black Label va causer une confusion parmi les consommateurs. C'est ça. Sinon, Hormel a dit que Purina avait créé ses publicités en montrant que ses produits avaient l'apparence de vrai bacon et la compagnie le met sur un fond noir, ce qui ressemble énormément à plusieurs publicités d'Hormel. Ouais, mais il y a un chien dessus, là, tu sais, comme je dirais automatiquement. Ouais, ouais. Mais c'est la façon de montrer le bacon, on dirait. Tu vois, le côté Purina et le côté Hormel un à côté de l'autre, le bacon sur fond noir, ça se ressemble en même temps, ouais, c'est mais très minimaliste. Mais logique, là. Ouais. Tu sais, ton bacon, là, il se ramassera pas dans l'allée de nourriture pour chien. Il y a ça. Puis, mettons, il sera pas ni dans le congélateur ni dans le frigidaire, il va c'est dans l'armoire. Ah, il y a pas grand facteur qui puis sont communs. Puis quand tu vas l'acheter à l'épicerie, là, il sera pas dans la même rangée. Il y a combien de chances que t'aies de la nourriture pour chien dans le frigidaire? Tu sais, t'as bien raison là-dessus, cher. Ouais. En tout cas. Bref. C'est parce que les Américains sont un petit peu plus faciles sur l'air. Ouais, mais je pense qu'ils sont plus faciles sur la poursuite aussi. Aussi, tu sais, c'est... Ouais. Pff, en tout cas. Bref, il va aller l'acheter dans l'allée des chiens en disant qu'il l'a pris dans le réfrigérateur puis qu'il savait pas que, tu sais, c'était pas pour les chiens. Peut-être les enfants pourraient se tromper, peut-être, en voyant du bacon dans l'armoire. Mais pourquoi? Il y a un chien pareil dessus, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a un chien dessus. Demande-le à ta mère si tu peux le manger. Tu sais. Hormel dit qu'en utilisant cette étiquette-là, Purina a causé un mal irréparable et substantiel à leur compagnie. Aïe, il pousse fort, hein? Il pousse très fort. C'est des Américains. Parlons de crème glacée maintenant qui va fondre moins vite dans le futur, Tania. OK. Est-ce qu'on va finir un jour avec la crème glacée qui coule sur tous les doigts? Peut-être. Quand tu prends trop ton temps, les chercheurs ont identifié une protéine qui, ajoutée à la crème glacée, ralentirait sa fusion. Non. Oui, en prime, elle permettrait d'avoir une glace à l'aspect bien lisse et contenant moins de graisse. La protéine miracle qui empêche la glace de fondre dans les doigts s'appelle BSIA, pour Bacterial Surface Layer A. Elle est produite naturellement par la bactérie Bacillus subtilis. Cette protéine qui permet la formation d'un film bactérien protecteur est déjà présente dans les aliments contenant des ces bactéries-là, comme un produit fermenté japonais à base de soya, le natto. Mais BSIA pourrait trouver de nombreuses applications en agroalimentaire. Les scientifiques des universités d'Édimbourg et de Dundee ont découvert qu'elle pourrait être utilisée pour fabriquer de la glace qui serait plus résistante à la fusion, donc le passage de l'état solide à l'état liquide, que les produits habituels. Les chercheurs ont développé une méthode pour produire BSIA et ils estiment que de la glace, de la crème glacée contenant cet ingrédient pourrait être disponible d'ici 3 à 5 ans. Du point de vue moléculaire, la protéine adhère aux gouttelettes de graisse et aux bulles d'air, ce qui les rend plus stables dans un mélange et permet à la crème glacée de rester solide plus longtemps. N'est-ce pas génial, ça? C'est très bien. BSIA pourrait aussi être utilisé dans d'autres produits alimentaires comme la mousse au chocolat ou la mayonnaise et diminuer l'utilisation du sucre. Dans le même genre de nouvelles, maintenant, ils veulent transformer l'eau en vin. Une start-up californienne Ava Winery affirme pouvoir transformer de l'eau en vin en seulement 15 minutes grâce à des composés aromatiques et de l'éthanol, ou comment accomplir un miracle biblique avec beaucoup de chimie mais sans aucun raisin. Mmh. Ouh, c'est donc Ava Winery, une start-up de San Francisco, qui annonce qu'elle peut faire du vin à partir de l'eau en seulement 15 minutes. Ce vin synthétique réalisé sans raisin a pour ambition de rivaliser avec de grands crus, mais est-ce vraiment possible de reproduire la diversité aromatique et le caractère d'un vin sans raisin? L'idée a germé dans l'esprit de Mardona Chua et Alec Lee alors qu'ils visitaient une cave californienne en 2015. Ils sont intéressés à une bouteille de Château Montelana. Ce vin chardonnay californien est connu pour avoir battu ses concurrents français à un concours organisé à Paris en 1976. Le vin est normalement issu de la fermentation du jus de raisin réalisé par des levures qui produisent de l'éthanol à partir du sucre. Mm-hmm. En même temps, le processus libère des centaines de composés aromatiques, un procédé très long dont on voulait s'affranchir. Grâce à la spectrométrie de masse et d'autres outils sophistiqués, l'équipe a analysé la composition de vin, chardonnay, champagne et pinot noir. Ils voulaient identifier les principales molécules aromatiques présentes, comme l'hexanoate d'éthyl qui donne une odeur d'ananas, et leur concentration. Ils ont ensuite mélangé ces molécules et ont demandé à leur sommelier de tester leur mélange. L'objectif était de recréer un grand vin molécule par molécule, et le premier essai a été assez catastrophique, mais l'équipe ne s'est pas découragée. 6 mois plus tard, les deux hommes pensent avoir un vin synthétique expérimental qui mime le goût d'un vin blanc italien pétillant, le Moscato d'Asti. Je pense que c'est lui qui a roté en onde au gala Québec Cinéma. Moscato d'Asti! Le vin, c'est Alice de Cisson. Le vin fabriqué par l'entreprise Ava Winery contient, contient de l'eau, de l'éthanol, des composés aromatiques comme l'éthyl isobutyrate, de la glycérine, du sucre pour la viscosité et des acides tartariques, maliques et lactiques. Ça, je pense que c'est des triplés. Oui, c'est ça. Aussi, ça, aux États-Unis. Exactement. La petite tartarique, malique, pilatique. T'as bien compris. Forcément, la boisson sera moins chère qu'un vrai vin car sa fabrication est bien plus rapide. Mais qu'en est-il du goût? Ici, point de terroir, de cépage ou de savoir-faire ancestral recherché par les consommateurs. Une journaliste du New Scientist a testé le vin synthétique censé ressembler au Moscato d'Asti. Son verdict n'est guère flatteur. O'Neill a trouvé que le produit avait une odeur d'alcool, de nettoyage et même de plastique. Rien à voir avec le parfum fruité du vin italien. Le faux vin était également plus clair, dégageait moins de bulles et manquait de cuisses. Oui, ce sont les larmes sur le bord du vin. Ah! Sur le bord du verre. Oh! Je pensais que c'était Chris Rock. Seul le goût semblait satisfaisant, mais l'odeur de sac plastique était trop persistante pour que la dégustation puisse être appréciée. Sur son site, l'entreprise explique que son objectif est de rendre de grands vins accessibles à tous. Elle envisage de produire une imitation d'un Dom Pérignon 1992 qui serait commercialisé à seulement $50, soit 4 fois moins que le vrai champagne. Voilà, donc petite curiosité quand même, là, du vin pas trop cher. Voilà. C'est bien. Ouais. Manquer de sommeil prédisposerait à trop manger. Okay. S'appuyant sur une vaste étude faisant le lien entre sommeil et température, des scientifiques ont, en fin mai 2017, mis en garde contre les effets néfastes du réchauffement climatique sur notre sommeil. L'occasion de revenir donc sur un article de 2015, les problèmes de sommeil pourraient contribuer à des apports alimentaires excessifs et conduire à long terme à des problèmes chroniques de santé chez les adultes et les enfants. Donc, pour éviter de trop manger, il vaut mieux trouver un bon sommeil. L'alimentation joue un rôle dans de nombreux problèmes chroniques de santé comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi la modification des habitudes nutritionnelles de l'individu peut aider, prévenir et traiter ces maladies. Il y a un nouvel article qui a été paru en 2015 dans Journal of Health Psychology qui est paru. Qui est paru? Est paru. suggère aussi de traiter les problèmes de sommeil d'après deux chercheurs de l'Université de Nebraska-Lincoln qui signent une revue de littérature sur le lien entre sommeil et nutrition. Une mauvaise nuit de sommeil influencerait le comportement alimentaire. Il existe différentes preuves indiquant un lien entre un sommeil insuffisant et une augmentation des apports alimentaires, à la fois chez les enfants et les adultes. Les problèmes de sommeil, comme une durée de sommeil trop courte ou des horaires de sommeil variables, sont associés à une augmentation des apports alimentaires chez les adultes et les enfants. Aussi, les auteurs passent en revue les mécanismes qui expliqueraient cette association. Pour commencer, les problèmes de sommeil peuvent affecter les centres de la récompense dans le cerveau, de telle sorte que l'individu en manque de sommeil recherchera plus d'aliments caloriques. Par exemple, il a été observé que des personnes privées de sommeil cherchaient à consommer plus de calories provenant d'anca, donc des à-côtés riches en glucides et en graisse. L'imagerie médicale suggère aussi une plus grande activation des régions du cerveau associées au système de récompense chez les individus en manque de sommeil. Un sommeil perturbé conduit par ailleurs à un état hormonal qui prédispose à la surconsommation de nourriture. Les hormones intervenant dans la faim et la sensation de satiété sont la leptine et la ghréline. La leptine envoie un signal de satiété au centre de contrôle de l'appétit dans la région hypothalamique du cerveau, tandis que la ghréline envoie des signaux en provenance de l'estomac qui favorisent une augmentation de l'appétit. Or, un sommeil perturbé semble augmenter les niveaux de ghréline et les signaux qui ouvrent l'appétit, nous dit Futura Science. Autre voie par laquelle le manque de sommeil agit sur le comportement alimentaire, c'est le contrôle de la prise alimentaire. Un sommeil perturbé est associé à des problèmes dans le fonctionnement cognitif. Par exemple, le sommeil joue un rôle dans le contrôle des émotions. Le manque de sommeil a un impact négatif sur la réponse émotionnelle des enfants et leur capacité à gérer leurs émotions. Un sommeil perturbé est aussi associé à une plus grande impulsivité. Et enfin, les personnes... les problèmes de sommeil peuvent pousser l'individu à percevoir des stimuli neutres comme étant davantage négatifs. Il verra le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Une humeur négative est d'ailleurs elle-même propice à une plus grande consommation de nourriture, bien sûr, comme on dit, manger ses émotions. En définitive, après une mauvaise nuit de sommeil, le système hormonal qui contrôle l'appétit est affecté, le stress émotionnel est plus important, l'individu a envie de plus de nourriture calorique et son impulsivité augmente. Pour toutes ces raisons-là, l'individu qui dort mal aurait tendance à manger plus. Le sommeil devrait donc être une des composantes des interventions visant à modifier le comportement alimentaire pour prévenir l'obésité. Ensuite, on parle d'une application qui vous empêche de dépenser l'argent quand vous avez trop bu. OK. Ça pourrait être une pas pire idée, ça. Ben oui, tout ça à pourrait, fait. Hein? Donc, ça s'appelle Drink Pay. Avec Internet et les smartphones, c'est assez facile d'acheter à peu près n'importe quoi. Hein? Surtout quand tu as bu, là, mettons, tu vas arriver, hop, petit buy it now sur eBay, hop, un petit, mon panier est plein sur Amazon. C'est vrai. Bloup, bloup. Donc, l'application DrinkPay a été développée par la société britannique IBTSI. Elle offre une solution à la moitié des Britanniques qui regrettent un achat qu'ils ont fait alors qu'ils étaient bourrés. Hein? C'est un problème que nombre d'entre vous et nous avons peut-être déjà rencontré. Alors, ils ont décidé de créer une solution simple avec les technologies modernes. Une fois que vous avez défini votre limite, l'application bloquera votre carte bancaire, empêchant ainsi vos prochains paiements. Vous pouvez même décider de bloquer tous les paiements ou uniquement ceux de vos points faibles, comme un fast-food ou un billet d'avion, peut-être, hein, que tu avais prévu acheter, peut-être, à 4 heures du matin. Et comment une application pour smartphone peut-elle savoir si vous êtes bourré? Ben c'est grâce à l'éthylotest. Celui-ci se connecte à votre téléphone et transmet des données à l'application DrinkPay chaque fois que vous soufflez dedans. Si vous avez trop bu, votre carte bancaire sera bloquée pendant 12 heures, vous donnant largement le temps de vous en remettre. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas utiliser l'éthylotest, il est possible d'opter pour un capteur sous forme de bracelet. DrinkPay propose même une fonctionnalité Aide, laquelle appellera immédiatement un Uber pour vous ramener chez vous. IBTSI, donc IBE. TSE est actuellement en discussion avec plusieurs banques pour proposer Drink Pay gratuitement à leurs clients. C'est Drink Pay comme dans DRNK, fait qu'on sait pas si c'est Drink ou Drunk. Ah ouais. C'est comme un genre de jeu de mots. Exactement. Mais douteux. C'est à toi de choisir. Fais ce que tu veux avec ça. Hein? C'est, tu sais pas si tu bois ou si t'as bu. Who knows? Who knows? Qui saura? Tiens, je vais arrêter ici de mon côté, mais j'entends dire que t'as des nouvelles toi aussi, Tania. Ok, oui, j'ai des nouvelles et j'ai des nouvelles d'alcool. Oh, pour garde-nous, garde-nous. Attention. Eh bien, on en a déjà parlé, Mathieu. Le noir, c'est pas mal à la mode, un petit peu partout dans Once la nourriture. Once you go back, ces temps-ci. Once you go black, you don't go back. C'est ça, exactement. Mais j'ai une nouvelle pour vous, mesdames et messieurs. Si vous allez dans les festivals cet été, ça se peut que vous soyez capable d'apercevoir un food truck, donc un camion à nourriture, mais complètement noir. Et peut-être connaissez-vous déjà le rhum épicé noir Kraken. Ouais. T'as déjà bu? Non, mais t'en as parlé à un moment donné. Oui. Mais non, j'ai pas bu. Écoute, tu peux te faire des rum and coke, tu peux te faire des Long Island Iced Tea, tu peux vraiment faire plein de sortes d'alcool avec ça. Mais là, attention, ce que vous allez pouvoir goûter à ce fameux food truck-là, si jamais vous vous présentez à un festival et que le food truck est là, c'est de la crème glacée noire au Kraken. Oh, miam. Oh, que oui. Je craque pour toi, mon Kraken. C'est fou, hein? Donc, vous allez pouvoir avoir, en fait, une crème glacée qui va être quand même assez épicée, qui va être au rhum, mais qui va avoir un petit goût aussi, bien évidemment, sucré, vu que c'est de la crème glacée. Donc, vous allez pouvoir manger ça tout en appréciant le festival auquel vous, vous étiez déjà et auquel vous étiez en train d'avoir beaucoup de plaisir. Ouais, et vraiment en train de boire. Le plaisir va continuer avec votre crème glacée. Exactement. Miam. Puis, si vous voyez ce fameux camion Kraken Black Summer's Cream, c'est le... C'est Black Summer's Cream. C'est le camion officiel de The Kraken, en fait. Et ça veut dire que vous allez pouvoir boire vos drinks préférés au bar du festival auquel vous assistez. Wow. Donc, il faut savoir à quel endroit il va être. Si jamais ça vous intéresse, il va être du côté du festival. Si je me souviens bien, ça s'appelle... Attention, je l'avais tout à l'heure. C'est un festival d'art. Donc, c'est le Festival d'art urbain mural qui va avoir lieu à Montréal. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 18 juin. Aujourd'hui, le 8 juin pour nous en direct. Exactement. Mais ça se déroule jusqu'au 18. Donc, on parle d'un bon 10 jours de festivités et 10 jours d'art mural, de musique complètement dans plein de styles différents. Ça va aussi du centre-ville jusque dans le vieux Montréal. Donc, vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Et bien évidemment, vous allez pouvoir voir aussi ce fameux petit food truck où vous allez pouvoir apprécier de la crème glacée noire. Sûrement que vous pouvez suivre leur Twitter, Facebook pour savoir où le camion s'en va après. J'imagine qu'il y a sûrement quelque chose là-dessus. Donc, allez voir sur le site de Kraken, probablement. Clairement. Puis, vous avez juste à... C'est Kraken Black Summer Scream. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir taper sur Instagram. Puis, ça va vous amener directement à la page. C'est vraiment bien. Sinon, Mathieu, on a parlé de sangria au melon d'eau l'autre jour. Je ne sais pas si tu te souviens. Absolument. C'était une recette de sangria. Bien là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de popsicle aux bonbons. Oh. Attention, alcoolisés. Qui vont vous refaire tomber un petit peu en enfance cet été. On l'a dit récemment, je pense que tu as fait mariner des jujubes dans de l'alcool. Je l'ai déjà fait. Ouais. Je pense que c'était hors ronde que tu m'as dit ça, mais c'est un peu le même principe. Là. On avait fait ça à la Saint-Jean-Baptiste, mes anciennes colocataires et moi. C'était vraiment pas super bon parce qu'on avait utilisé de la vodka qui était quand même cheap. On était pauvres, on était aux études et les bonbons qu'on avait achetés aussi étaient beaucoup trop sucrés. Il y avait trop de sucre dessus. Mais quand même, ça a été une expérience hors du commun. Ça doit. Et là, on parle de popsicle. Donc, c'est un petit peu la recette ultime de l'été si jamais vous avez un spa ou une piscine parce que c'est le fun de pouvoir manger des popsicles des fois quand il fait bien chaud. Donc, c'est des popsicles aux bonbons alcoolisés et c'est la recette à essayer, bien évidemment, soit à un party autour de la piscine ou tout simplement pour le fun de l'essayer. Tu sais, on sait jamais. Donc, c'est très facile comme recette. Vous allez avoir besoin de 6 bonbons rubans arc-en-ciel. Tu sais, les fameux bonbons arc-en-ciel. Ah, les petites bandes, là. C'est ça, qui sont en bande. Ouais. Vous allez avoir besoin aussi de 2 tasses de Sprite ou de 7-Up. Une liqueur blanche. Une petite liqueur blanche. Vous pouvez aussi y aller avec du tonic si vous préférez le tonic. Bon, ben oui. Et 1/4 de tasse de vodka. Oui. C'est à votre guise. C'est suggéré. C'est ça, exactement. Comment on fait? Bien, vous allez couper chaque bonbon en 4 à 5 petits morceaux. Donc, ça doit être capable de faire des petites roulades avec vos bonbons même. Vous allez tordre chaque morceau quelques fois pour les enrouler ensemble. Vous allez placer 3 à 4 morceaux de bonbons dans un moule à popsicle jusqu'à ce qu'ils soient remplis de bonbons. Là. Donc, vous allez remplir, par exemple, vous allez avoir votre moule à popsicle. Vous allez remplir le fond du moule à popsicle avec un bonbon. Vous allez en mettre un autre. T'sais, vous voulez vraiment qu'il y ait beaucoup de bonbons dedans. Par la suite, dans un bol, vous allez mélanger votre liqueur blanche à la vodka. Vous allez bien évidemment brasser un petit peu, mais pas trop parce que ça fait de la mousse, on le sait, puis ça va dégazifier. Et par la suite, dans chaque moule de bonbons, bien, vous allez mélanger le mélange d'alcool. Donc, vous allez mettre le liquide, finalement, par-dessus vos bonbons. Un peu dans la recette, un peu dans ta bouche. Pour toi, pour moi. Par la suite, vous allez passer les moules dans le congélateur pendant au moins 6 heures. OK? 6 heures, ou sinon, vous pouvez y aller pour vraiment plus longtemps que ça. Vous pouvez y aller pour toute la nuit. Et le lendemain matin, vous pouvez déguster, vous allez avoir des popsicles aux bonbons alcoolisés à la vodka. Ouais. Bien évidemment, vous pouvez changer la vodka. Si votre préférence, c'est le gin. Là. Ou plus de Kraken encore. Ou plus de Kraken encore. Ou, tu sais, hein, on se mentira pas, là, la vodka, c'est pas la seule... Est-ce que tu peux faire la comme seule une... alcool que vous pouvez utiliser. Est-ce que tu peux faire comme une slush et mélanger toutes les saveurs ensemble de différents alcools? J'imagine que oui, vous pouvez vous faire un popsicle à ce que vous voulez. Wow. Et j'ai une dernière recette pour vous aussi. On a parlé de sangria, on a parlé de popsicle alcoolisé et là, on parle de recette de mojito glacé. Ouh. Ce que vous avez vraiment besoin cet été là, pour apprécier l'été au... grand complet. Il y a une sangria, c'est assez passe-partout, on le sait. Donc, l'autre jour, on vous a donné une recette de sangria. Et par la suite, bien, si jamais vous avez un barbecue ou si vous n'êtes pas trop du genre à boire du vin, vous, vous êtes plus du style quelque chose d'un petit peu plus fruité, un petit peu plus menté aussi. Bien, les mojitos, c'est excellent pour ça. Donc, on vous propose en fait une nouvelle recette et vous allez voir, c'est vraiment, ça a vraiment l'air bon. Je pense que je vais la faire, celle-là. Moi, je suis une amatrice de mojitos. Mais là, on a un mojito complètement différent. Donc, voici ce que ça vous prend. Ça va vous prendre 4 onces de crème de noix de coco. Mmh. Ça va vous prendre... Avec une paille. Oui, exactement. Ça va vous prendre 6 onces de rhum Malibu. La fameuse bouteille blanche, le Malibu, à la noix de coco, bien évidemment. Vous allez prendre aussi 3 onces de jus de lime qui va être frais. Donc, vous allez presser de la lime jusqu'à ce que vous ayez 3 onces. Soyez pas cheap avec ça. Non, exactement. Ça vous prend aussi, bien évidemment, des feuilles de menthe. On parle d'une dizaine, approximativement. 4 tasses de glace. Et la recette, vous allez mettre tous les ingrédients dans un malaxeur et vous allez mélanger jusqu'à ce que vous obteniez une texture onctueuse. C'est-tu la seule étape? C'est... non, il y en a 2 autres. Boire. Vous allez verser le mélange dans des grands verres et vous allez boire. Wow. Puis, vous allez pouvoir aussi garnir de feuilles de menthe si vous... filet un petit peu plus fancy, là, vous allez pouvoir les servir aussi dans des noix de coco. Ah, ben oui. Si jamais vous avez ça, c'est très cute. Ça se vend à l'épicerie aussi et ça a l'air vraiment bon. Beau petit parasol. Là, c'est moi c'est clair que je prends cette recette de mojito-là, je me l'envoie et je la fais en fin de semaine, c'est sûr. Génial. Oubliez-moi en fin de semaine, je suis en train de faire des recettes de slush à la mojito. Avais-tu un spa chez tes parents? Oh, que oui! Puis là, tu vas être déménager en appartement bientôt, t'auras plus c'est de spa. Je vais y retourner pareil. Ouais. Si c'est pour faire des recettes de mojito sur le bord du spa, je vais être là. Je m'en viens! Et voilà! Merci d'ailleurs. Ça fait plaisir. Cool! Une grosse pote adresse toutes les semaines à Assemblage Rocky. On va bientôt terminer l'émission, mais il nous reste encore un petit peu de temps pour écouter une pièce avant de se dire au revoir. Et voici notre classique. On n'a pas le choix quand on parle d'alcool. C'est sûr qu'on va jouer Bombargo. Ben oui, c'est sûr. Voici Pour Me Another. Oh. Évidemment. Prévisible comme ça. Tout le temps. Hey. Pour me another, like yesterday. Pour me another, I'm gonna drown in my own shame. Pour me another, you're gonna miss me when I'm gone. Pour me another, and I'll be on my way back home. Whiskey bottle day. Addictive ways, and I'd be lying if I didn't say this bottle's leading me through the haze. It's getting Dog, ouais, Pour Me Another, à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui déjà. Ok, oui. Ça passe vite, je trouve, les 3 heures. On s'est bien débrouillé pour être seulement deux en studio, on doit se le dire. On s'amuse bien ensemble, Tania. On était pas mal plus concentrés dans la dernière heure. Je sais pas pourquoi, pourtant. Je pense que c'est à cause d'un petit breuvage caféiné, peut-être. Caféiné. Peut-être. Je crois aussi que c'est ça. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, toujours les jeudis cet été, entre 14h et 17h. Après nous, c'est le running gag de dire que Rock et Willis s'en vient. Oui, mais... Ça a pas, peut-être un jour éventuellement. Donc, à 17h ensuite. Faites-vous pas ça. 18h55. Encore une autre occasion de voir les Aigles perdre. On a mais beaucoup ces temps-ci. Attends, quoi? Là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a été proche d'une victoire. Là. Proche. Et l'autre, le soir d'avant, vraiment très loin. Oh, et ouais. Hein. 24 à... Et il faut pas en parler de ça. Il faut l'oublier. Sois positif, Mathieu. Le pire, c'est que Simon La Liberté, l'animateur des Aigles, qui écoute des fois l'émission, donc je le salue, il m'a écrit genre « Ah, sois positif » la semaine passée, tu sais. Il m'a dit genre « Fais jouer la toune, genre « Un autre jour se lève » ou je sais pas quoi. Fait qu'on a commencé le match avec ça hier. Et ils ont évidemment perdu, hein. Mais non, mais tu la feras à chaque rejouer soir. Ce soir. Exactement. Parce que chaque soir est un soir est nouveau un autre jour. C'est ça. Avec le main du pied de dos de la cuillère. Tout à fait. Dos d'un canard à la cuillère. C'est bien ça. Capitaine Patnaud, je suis pas bon pour faire je des choses. Je me souviens fausses, plus de ça. C'est ça. Bref, hey! Hey! Je disais qu'on se retrouvait la semaine prochaine. Oui. Jeudi. Et puis à 18h55, comme je disais, ce sera les Aigles. Ensuite, on repasse nos vêtements la fin de semaine avec les. À son âge, qui était. Ouais, c'était très mauvais. À midi, après nous, à 15h. Non, il y a juste nous qui l'avons compris. Ouais, c'est ça. Ben, à 15h, c'est la rediffusion de. Non, oui, la rediffusion d'il y a 2 semaines dans Piste avec Tania Baudin parce que t'étais pas là cette semaine à cause de ta voix. C'est ça, exactement. Mais là, tu vois, ça a fonctionné. J'ai de la voix. Donc, mercredi, je vais être là si je la perds pas en fin de semaine. Justement, parlant de ça, on repasse aussi les mercredis entre 11h et 14h. Après nous, c'est une nouvelle édition dans Piste avec Tania Baudin. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine? Bien évidemment, cette fin de semaine, c'est le grand prix de la Formule 1. Oui. Donc, on va revenir là-dessus. On va revenir sur les activités aussi qui va y avoir lieu. Puis, on va bien évidemment faire le tour de toutes les autres séries. C'est en piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Et moi, je vais être après ça au Mathieu Plante Show à partir de 15h. Voilà, on se quitte là-dessus. La pièce de Françoise, Coconut Motel. C'est pour aller avec le mojito de tantôt. Voilà, on s'en va boire ça. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Jeudi, 14h. À la semaine prochaine.